le nom du terrain, c'est le nom de l'organisateur du tournoi. Il s'appelle Monsieur Zébier. C'est vraiment le tournoi numéro 1 en Côte d'Ivoire, je peux dire. À Abidjan? Je peux dire en Côte d'Ivoire en général. Je connais pas vraiment tous les tournois de petits buts en Côte d'Ivoire, mais c'est le tournoi qui suit beaucoup plus. Mais figure-toi que ces chaises que tu vois en bas, c'est comme dans la vie réelle, hein. Les chaises que tu vois en bas, on appelle ça des chaises VIP, ceux qui sont plus proches du terrain. Ce sont des chaises qui sont réservées, je te dis des fois même 2 jours à l'avance. Mais quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est quand même difficile. Et pour moi, c'était mon premier pays après la Côte d'Ivoire, parce que j'avais jamais voyagé. On s'amusait en apprenant. Et quand tu t'amuses et tu apprends, c'est facile. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. En fonction de votre lieu d'habitation sur notre chère planète, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, ces salutations devraient convenir à toutes les oreilles. Pour ce 8e épisode, je pars à la rencontre de M. Kevin Lévry, une nouvelle personne que j'ai rencontrée au Canada, que, une nouvelle fois, je ne présenterai pas évidemment. Cependant, je peux vous mentionner que durant cet épisode, nous parlerons de ses racines ivoiriennes, nous en profiterons d'ailleurs pour faire un focus sur un tournoi que je ne connaissais pas, le tournoi du Zébier, qui est reconnu nationalement en Côte d'Ivoire. Nous en profiterons pour parler de son expatriation qui n'a pas toujours été facile au Canada. Et nous en profiterons également pour parler surtout de ses grandes passions, que ce soit pour l'entraînement et pour le jeu, que ce soit en football et en futsal. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Cependant, notez bien qu'au début, le son n'est pas très élevé, mais nous améliorons durant l'épisode. Voilà, j'en profite tout de même que pour vous souhaiter une bonne et longue écoute. La chose la plus importante, c'est est-ce que tu as de la batterie sur ton téléphone ? Il est déjà branché actuellement, même, et puis il a 70%. D'accord, ok. Ça, c'est extrait. Manger, je pense que ça peut aller. J'ai une bouteille d'eau à côté. D'accord. Ça va. Extrêmement important avant qu'il y ait une mésaventure. Ouais, c'est sûr. Durant l'appel. Je vais prendre un gâteau pour mettre à côté de mes enfants. Ça va, je pense pas. Je peux te dire, là, j'ai mangé, j'ai pas faim. T'as mangé ta soeur, elle a fait manger? Ouais, elle a fait un poulet avec de la tiquée, là. Je suis jaloux. La dernière chose, c'est si jamais Kevin, à un moment donné, tu veux faire une pause ou un truc comme ça, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Je pourrais faire au montage, je pourrais couper des passages ou il n'y a aucun problème. Okay. D'accord. Ok. Alors, Kevin, c'est mon 8e enregistrement. Tu es la 8e personne avec laquelle je vais parler de foot pendant un petit moment. J'ai énormément de questions à te poser, tu ne le sais peut-être pas, mais j'en ai beaucoup. On avait notamment beaucoup échangé sur ton parcours, même si ton parcours d'entraîneur est encore assez prémisse, tes parcours d'éducateur. Néanmoins, les différences culturelles dont nous avons pu partager, moi je m'en suis beaucoup intéressé, ça m'a déjà beaucoup inspiré. Et donc, par rapport, il est possible que des gens te connaissent, que certaines personnes qui vont écouter ce podcast, pardon, te connaissent, mais il est possible qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Si c'est le cas, j'aurais une première question à te poser, Kevin, c'est comment est-ce que tu te présenterais ? D'abord, je te dis merci de me donner cette opportunité-là, de parler avec toi, de passion, de partager ce moment avec. Et mon nom, c'est Lévry Kevin Macantoine. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis un fou passionné de football, comme la plupart des enfants de Côte d'Ivoire, qui ont pour idole Drogba, bien sûr, une des jeunes du football. Et ouais, je suis un joueur de football et aussi un entraîneur. Un entraîneur qui vient de commencer il n'y a pas vraiment longtemps, mais je suis aussi entraîneur de futsal et c'est un peu ça, donc c'est un peu ça ma présentation. Et aussi bon, par rapport à un petit surnom que mes amis, mes coachs m'ont donné au futsal, on me fait appeler la pure, voilà, c'est un peu ça. D'accord, ok, merci Kevin. Est-ce qu'il y a moyen que tu parles plus fort? Est-ce qu'il y a moyen Plus fort? que... Ouais. Ok, parfait. Parce que moi je suis au max de mon son et je t'entends pas très bien. Ok, Est-ce que tu crois que c'est les écouteurs ou est-ce que tu... je pense que je vais parler plus fort la Ah, prochaine fois que je là c'est parlerai, je très peux bien parler là. plus fort. Ok, c'est bien là? Ouais, là c'est Peut-être très ça, le bien. micro aussi était peut-être un peu en bas. Ok. Je vais attraper le micro. Merci Kevin. Ouais, si là tu peux pas parler comme ça, c'est parfait. Comme ça, ok. Ok. Là, c'est bon, hein? C'est bon comme Là c'est bon. Bah ça? Ok. vas-y, hey, première question, là, vas-y, qui me vient à l'esprit là par rapport à pourquoi la pieuvre? La pieuvre, ouais, c'est comme l'animal. Pour ceux qui connaissent l'animal, elle a 8 tentacules. Ses pattes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi une tentacule. Et bon, le surnom est venu d'un tournoi de futsal, ici au Canada, où bon, il y avait une action où j'étais le dernier défenseur. Et j'ai glissé, j'étais au sol. Et le joueur a essayé de vouloir me passer la balle au-dessus. Et là, avec un pied qui est sorti de nulle part, d'après mes entraîneurs, j'ai réussi à rattraper la balle et on est parti en contre-attaque et on a marqué un but. Et c'était là, c'est par là que le nom est sorti, la pieuvre, et mes coachs ont commencé à dire, ouais, t'es marqué que t'étais au sol, on sait pas où le pied est sorti, t'as pas de pied, t'as des tentacules, t'es une pieuvre, et la pieuvre, et ça fait maintenant, je pense, à 4 ans que le nom est sur moi, et ça me plaît bien, je pense que ça reflète ma façon de jouer, c'est difficile à me battre en un contre un. Je récupère beaucoup de ballons quand je joue. J'ai des pieds partout. Au fait, là où on pense pas que je peux prendre la balle, j'essaie de prendre la balle à chaque fois. Là où ça, tu penses que c'est la balle va sortir, je récupère. Là où tu penses que t'es passé, c'est là que je récupère la balle. Et bon, c'est un peu comme ça que le nom a pris de l'ampleur. Et j'ai peut-être presque tout le monde dans le domaine du football, à notre niveau ici, mes amis et tout, je m'appelle la pieuvre. C'est un peu ça. J'ai eu beaucoup écho de ça et finalement j'avais pas la première histoire et je suis content de rentrer dans le vif du sujet parce que dans ta présentation justement tu as abordé ça et je me demandais si tu allais le faire et il y a d'autres choses que tu as abordées dans ta présentation et bah c'est exactement ce dont je veux te parler, enfin je veux aborder avec toi, c'est notamment déjà la première chose dont tu as parlé, c'est le fait que tu sois ivoirien et c'est la passion pour le football. Et ça, et surtout la légende qui est Monsieur Drogba, et bah, je partage un grand grand intérêt pour ce grand attaquant. Donc c'est quand et c'est aussi le fait bah, que t'es comment dire que tu aies deux étiquettes, bah, celle de joueur et celle d'entraîneur, mais également celle de joueur et entraîneur de football et joueur et entraîneur de futsal. Et c'est les principaux sujets qui m'intéressent. C'est comment toi tu grandis au quotidien à travers bah, différentes expériences, notamment le fait bah, que tu aies grandi une grande partie de ta vie en Côte d'Ivoire et que tu sois arrivé au Canada, notamment dans la région du Québec, et puis comment comment tu progresses en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur dans ces deux milieux. On va aborder un peu tout ça. Et notamment, j'avais un grand intérêt de parler justement avec quelqu'un qui a commencé il n'y a pas trop longtemps. Et justement, parce que j'ai pour vocation à ce que ce podcast soit écouté par potentiellement des jeunes entraîneurs, des jeunes éducateurs. Et puis, comme toi, tu es dedans, bon, il y a des choses que j'ai peut-être oubliées, même si ça fait pas tant de temps que ça. Donc, ma deuxième question pour toi, Kevin, ce serait. À quand situes-tu tes débuts d'entraîneur, tes débuts d'éducateur et quels sont tes premiers souvenirs? Oh, mes débuts d'éducateur remontent vraiment d'abord à la base, c'est quand même en Côte d'Ivoire. J'étais pas un entraîneur en tant que tel d'une équipe avec une organisation où on faisait des entraînements chaque jour ou bien deux fois par semaine et on avait un match et tout. Mais dans mon quartier où j'ai grandi, on avait la plupart du temps des tournois. Des tournois de quartier avec des petits buts. Et même des fois avec des grands buts où on jouait à 6 contre 6 avec un gardien ou à 5 contre 5 avec un gardien et tout. Et la plupart du temps, dans ces tournois-là, j'ai tous ces, pendant la période de vacances, par exemple pendant la période d'été, on faisait des tournois comme ça et chacun formait des équipes. Chacun formait une équipe et comme moi, à la base, je suis aussi une personne qui rassemble beaucoup. J'aime beaucoup les jeunes, je rassemble beaucoup, que ce soit jeunes ou adolescents. Donc, chacun formait ses équipes puis on jouait dans les tournois. Et donc, mon premier souvenir vraiment de coach, c'est de là que c'est parti à travers des tournois où j'organisais une équipe à jouer ensemble, on partait des tournois, on faisait des remplacements. C'est là un peu que ma passion est venue de diriger des enfants, faire ci, faire ça, diriger des joueurs, diriger une équipe, les apporter mon soutien et tout. Et je me rappelle vraiment d'un souvenir, je me rappelle très bien que le même jour où je venais au Canada, on avait un tournoi et c'était la finale. C'était la finale. Mon vol, je pense qu'il était à 19h et puis je pense que j'avais une finale à comme midi. Et je me rappelle que ouais, c'était un moment fou là. Je pense que même ce jour-là, on est arrivé en finale, mais je pense que l'équipe que je coachais en griffe et en même temps que j'étais en griffe le président parce que c'était moi, je m'organisais des fois à aller donner de l'eau, de la boisson gazeuse pour se remettre en forme, des trucs comme ça. Je me rappelle qu'on avait perdu, mais c'était quand même un bon moment où on vivait la passion d'entraîneur, de football et tout. C'est quand même mes débuts, mon premier souvenir, je remonte à là. Et ensuite, quand je suis venu au Canada, j'ai pris d'autres équipes et tout. Rentrons Et un tous peu tes plus souvenirs, dans toi, tu les as le. comment? Excuse-moi, Kevin. Justement, rentrons un peu plus dans le détail. Tu dis, bah déjà, je serais curieux de savoir de quelle ville tu viens en Côte d'Ivoire, et puis ensuite, un peu plus de détails, c'est-à-dire, parce que là, ça doit paraître évident pour toi, parce que tu l'as vécu, mais. Je sais pas si tu as une idée, moi je n'ai absolument pas vécu en Côte d'Ivoire. J'espère y aller un jour, parce qu'il est prévu que tu m'y invites, ça, on en a déjà parlé. C'est sûr qu'on aura l'occasion. En fait, non, je suis vraiment curieux de. Bon, tu parles, voilà, tu dis que c'est dans ta ville, il y a des tournois qui sont organisés, tu dis pendant les vacances, donc j'imagine que c'est en juillet-août, mais bon. Après avoir voyagé, on sait que dans tous les pays, les grandes vacances sont pas à la même période, notamment en Corée du Sud. Bah là, les grandes vacances, c'est entre décembre et mars. Mais ouais, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Tu dis que c'est pendant les vacances, il y a des tournois qui sont organisés. Donc ma question, ça veut dire que j'ai une autre question ça, qui me vient en tête. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de club, il n'y a pas de championnat pendant la saison. Et pendant ces tournois, comment ça se passe? Est-ce que quand on s'inscrit, c'est gratuit, tout le monde peut y participer. Est-ce que, enfin, il y a autant. Je sais pas si ça te parle. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails? Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, mais voilà, comme vous avez demandé, je viens de la ville d'Abidjan. Je viens d'Abidjan. Donc la C'est là-bas que j'ai capitale. grandi, dans la commune de Yopougon, principalement une commune vraiment peuplée, où il y a la bonne ambiance, il y a un peu de tout, il y a la bonne nourriture, il y a la bonne musique. C'est quand même une commune qui est vraiment reconnue, Elle est qui est reconnue vraiment pour quoi? populaire. Elle est reconnue par son ambiance, c'est la première, par son ambiance. C'est D'accord. vraiment une ville qui bouge et c'est vraiment une ville qui est animée. On est à combien de C'est une kilomètres ville d'Abidjan où là? Yopougon, c'est vraiment dans Abidjan. C'est une commune dans Abidjan. C'est comme un arrondissement sur Paris? Oui, c'est voilà, un peu comme vous, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler D'accord. ça comme ça. C'est comme ouais, c'est Abidjan, c'est la grande ville. Et dans Abidjan, il y a plusieurs communes, il y a plusieurs endroits, donc c'est un peu ça. Ok. C'est un peu comme Paris, puis il y a plusieurs arrondissements, il y a plusieurs grands quartiers à l'intérieur de Paris, on appelle ça. D'accord. Et oui, donc comme je disais, c'est pas comme s'il y a des championnats, il y a des championnats, il y a le championnat de la Côte d'Ivoire, le championnat de la Ligue 1 pour les grands buts et tout. Mais ce dont moi je parle par rapport à mon cas d'entraîneur, mes premiers souvenirs, je parle du quartier vraiment, du quartier où j'ai grandi. Du quartier où j'ai grandi parce que tu sais, comme tu as demandé, pendant la saison normale, on peut dire pendant l'hiver par exemple ici, les enfants vont à l'école, il y a l'école, il y a tous ces trucs-là. Donc on n'a pas vraiment le temps, dans le quartier je parle, pas vraiment Pas vraiment au niveau de la fédération ivoirienne de football et tout, non, pas vraiment ça. Je parle au niveau du quartier où j'ai grandi. On n'a pas vraiment le temps pendant l'école d'organiser des tournois ou bien organiser des. On joue des fois des matchs dans le quartier et tout pendant la semaine, pendant le week-end, mais vraiment les tournois, surtout des enfants, des jeunes, c'est pendant la période des vacances qui est. Comme tu l'as dit, aux environs de 8, c'est là juillet, août, juin, juillet, août, par là. C'est vraiment dans ces périodes-là qu'on organise vraiment beaucoup de tournois. Et les tournois, c'est par exemple, je suis une personne, par exemple, moi, qui connais beaucoup de personnes, qui connais beaucoup de jeunes du quartier, qui peuvent faire des équipes. D'accord. Je vais faire une annonce dans le quartier pour D'accord. dire que ah, Kevin organise un tournoi de jeunes. De 11 à, par exemple, 13 ans, Toi, t'as quel pour âge dire à de ce moment-là et jeunes. tu fais comment ton annonce? Ouais, ça. En ce moment, quand j'étais en Côte d'Ivoire, Ouais, à ce moment-là, tu as quel âge, ouais. toi? Actuellement, là, j'ai 25 ans, j'aurai 26 bientôt. D'accord, non, mais à ce moment où tu organises les tournois, tu as quel Oui, âge? mais ça. En ce moment, j'organisais des tournois. J'avais quand même. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 20 ans. D'accord. 20 ans, 19 ans. On organisait des tournois avec des jeunes du quartier encore plus âgés que nous. On était dans l'organisation, on organisait avec des oncles du quartier, comme on les appelle, des tontons du quartier, des gens qui avaient 30 ans, qui avaient 25 ans, on avait déjà 18 ans, 19 ans par là. Et des fois, on n'était pas dans l'organisation, mais d'autres jeunes du quartier organisaient des tournois et nous, on faisait nos équipes. Pour venir participer à des tournois, voilà, parce que on est dans le quartier, et puis, tu vois, il y a différents secteurs. Le quartier, il est vraiment grand. Il y a une rue ici, où il y a beaucoup d'enfants. On dit, Kevin, comme c'est toi, c'est ta rue. On voit tes jeunes organisent ton équipe, viens jouer contre des jeunes de l'autre rue, un jeune de cette rue va organiser son équipe aussi, vous allez jouer contre. Et dans le quartier, on pouvait faire peut-être 10 équipes comme ça. On jouait des tournois. C'est quoi? Enfin, C'est on jouait des des équipes tournois entre de jeunes. des équipes ta rue, c'est ton équipe. Ouais, tu vois, ma rue, mon secteur, comment on dit ma rue, mon secteur, c'est quand je dis une rue, c'est pour mettre ça en contexte. Par Non, bien exemple, sûr, bien sûr. j'habite cette rue-là. Donc, ces deux rues qui sont là, c'est un peu ma rue. Je connais beaucoup de jeunes qui sont là-bas, ce sont mes jeunes avec qui C'est tes voisins, je joue ouais. toujours. D'accord. Voilà. Donc, j'ai plus d'affinité avec eux qu'un autre jeune qui va quitter dans une autre rue pour D'accord. venir. Donc, D'accord. moi, dans ma rue, dans mon secteur, j'organise mon équipe avec mes jeunes de mon secteur. D'accord. Si un jeune d'un autre secteur qui me connaît, qui a beaucoup plus d'affinité avec moi, veut venir jouer dans mon équipe, il n'y a pas de problème, il vient jouer dans mon équipe. C'est un peu comme ça, on organisait des équipes par rapport au secteur. D'accord. Et on partait jouer des tournois dans le quartier. Il y a des fois aussi, même on sortait du quartier, on prenait pour aller jouer dans un quartier voisin, des tournois avec des jeunes du quartier et tout et tout. Parce que nous aussi, on est passé par là. J'ai été jeune du quartier où les plus grands du quartier sont venus nous voir aller jouer dans. On va jouer dans ce tournoi-là, viens, on va aller jouer ici. Donc, c'est comme ça aussi, on s'est basé sur ça pour faire pareil. Donc, D'accord. c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, le tournoi a été partait pendant vraiment les vacances. Tu Comme je constitues, dis, ouais, les équipes, tu les que le. constitues uniquement par affinité? Ou il y a une Par question de affinité poste ou de... et par talent. Plus par talent, plus par affinité. Parce que, comme je disais, la plupart du temps, c'est même quand on jouait avec des grands buts. Comme au football 11, on jouait vraiment avec un nombre réduit. On jouait pas dans le quartier. Il n'y a pas un grand terrain comme on le voit, par exemple, au Canada, où il y a vraiment des espaces, des grands terrains de 11 contre 11. Là, non. Dans le quartier, c'est vrai qu'il est grand, mais les terrains pour jouer au foot, mon terrain où j'ai joué, c'est un terrain avec le goudron. C'est un terrain avec le goudron. C'est juste à côté de ma maison. C'est là, on jouait les petits buts. Malgré que c'était le goudron, je me rappelle très bien qu'à un moment, quand on voulait jouer des grands buts, on jouait des grands buts sur le goudron et la zone du gardien, on mettait juste du sable pour ses plongeons, pour ne pas qu'il se blesse. Donc, c'est par là qu'on a commencé. C'était vraiment bien et tout. Donc, on n'avait pas vraiment de grand terrain avec 11, 11, 11 contre 11 pour jouer. D'accord. Donc, on jouait avec des petits buts. Donc, ça commençait par là avec des petits buts et on avait un autre terrain où il y avait le sable où on pouvait jouer avec des grands buts. Donc, on jouait des tournois du grand but, mais c'était toujours le nombre 6, un gardien. Et pareil pour les petits buts aussi, c'était 5, un gardien, par exemple. Et là-bas, tu vois, quand c'est un peu comme les terrains du futsal. C'est vrai que il y a d'autres qui préfèrent être attaquant, il y a d'autres qui préfèrent être sur le côté, mais tu peux jouer quand même un peu plus partout, là. Parce que c'est les petits terrains, la distance est pas longue et tout. Donc, vraiment, en le faisant aussi les équipes par poste, par affinité et par talent. D'accord. Et si c'est un gars qui sait pas jouer, tu vas pas le prendre dans ton équipe parce que quand même tu veux que les enfants aient du plaisir, mais tu veux aussi quand même cet esprit de compétition, gagner ton tournoi et tout. Et c'est un peu ça. Donc, tu choisis tes joueurs. Et la plupart du temps, ce sont nos petits frères, on prend. Moi, je savais pas, j'avais des neveux que je prenais pour venir jouer dans mon équipe. Il y avait le petit frère de mon ami qui était fort. Je me rappelle d'un petit, il s'appelait Élisée, son petit frère s'appelle Ivo. C'était un petit gaucher qui était vraiment fort. Je le mettais dans mon équipe. Il y avait d'autres petits, les petits frères de nos amis qu'on prenait, on faisait notre équipe avec. C'était pareil comme ça, d'autres dans leur secteur, ils faisaient leur équipe aussi avec leurs petits frères. Et puis on jouait, on mettait des petites sommes d'argent pour jouer. Comment ça? Des petites sommes d'argent? Par exemple, le tournoi, il y a le matériel acheté, il y a des ballons achetés, il y a des sifflets achetés. Pour l'équipe, pour les équipes ou pour le tournoi? Pour le tournoi, il y a des ballons achetés et tout, pour le tournoi. Et donc, l'organisateur, il va te mettre un prix, par exemple. Alors, nous, on parle en franc CFA, donc il peut dire pour l'équipe, c'est 1000 francs, ou bien pour l'équipe, c'est 2000 francs. Ici, 2000 francs, c'est combien? Ça fait même pas 5 dollars. Donc, on peut dire ici, par exemple, 5 dollars par équipe. D'accord, ça représente beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire? Pour les enfants, vraiment, pour ce qu'on fait, qui n'est pas vraiment une grande compétition pour les enfants du quartier, ça représente quand même beaucoup. Parce que je parle des enfants de 11 à 13 ans, là. D'accord. Ils touchent pas de salaire. Ils vont demander à leurs parents, papa, donne-moi 100 francs. 100 francs qui n'est pas plus de 1 dollar, ici, c'est moins de 1 dollar. Papa, donne-moi 100 francs, j'ai un tournoi pour jouer, on va mettre ensemble. Donc, chaque enfant, si tu as 10 joueurs, chaque enfant va t'envoyer 100 francs. D'accord. Ça va te faire 1000 francs, qui fait par exemple 5 dollars ici. Et tu vas donner ça à l'organisateur du tournoi qui va rassembler toutes les équipes, leur argent. Et puis à la fin du tournoi, le premier aura une somme. La plupart du temps, c'est la somme que tu as misée, le double. Et le deuxième aura une petite somme avec des récompenses. Il y a des tournois aussi plus grands, avec des plus grands qu'eux. Il y a des récompenses comme des maillots, des jeux de maillots pour toute l'équipe, des ballons, un trophée. Des fois, je me rappelle les premiers tournois, vraiment nos premiers tournois que nous, on a remportés, que les enfants aussi ont remportés. C'est avec les coupes de verre qu'on boit du verre là-dedans. Ouais, ouais. Ouais, les verres cassables, là. Ouais, ouais. Ouais, c'était notre coupe, là. Nous, tu nous donnes ça, on a gagné un tournoi, tu nous donnes ça, on était le plus heureux, là. On court avec ça dans tout le quartier, ça tombe à terre, se casse, mais on est heureux, on a fait la joie. On prend l'argent, on va manger de la tchéké, comme d'habitude. De la tchéké. Et Kevin, tu dis que c'est les terrains sont pas petits, mais pas grands non plus. Mais c'est du 5 contre 5 ou du 6 contre 6 avec des grands buts. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace et qu'en plus, il est assez facile de marquer des buts parce que les buts sont grands. Mais quand je dis grand, c'est pas vraiment grand comme les buts 11 contre 11, vraiment là. D'accord. L'espace est bien pour jouer un 6 contre 6. C'est des buts de handball? Ouais. Des buts de futsal? Ouais, les buts de futsal, si tu veux, à peu près par exemple ça. Et puis même, autant, on n'avait même pas de buts de futsal. C'est quoi? Nos buts, c'était quoi? On prenait juste deux briques de ciment, là. Tu vois? Ouais. Deux bouts de ciment, on place un là, on compte 10 pas ou 7 pas, on place un autre. Pour les là, tournois. Nos buts qui sont là. Ouais, dans les tournois, on faisait ça. Il y avait des tournois, on faisait ça avec des petits buts comme ça. On faisait des tournois comme ça. Les tournois, je me rappelle, avec ça, là, on faisait des petits buts. Il y a une certaine hauteur là. La bite, il décide si la balle, c'est un but ou pas. Et un peu au fur et à mesure qu'on grandissait, on avait des idées, on prenait des bois de bambou. On enfonçait ça dans le sol, on faisait une transversale, on essayait de, tu vois, on se débrouillait comme on peut avec les moyens de bord. Dans le quartier, c'était ça. Il y a des plus grands quartiers, s'il y avait un grand terrain, tu peux jouer, mais dans nos quartiers, on avait juste ça, et puis voilà, ça passait, tu vois, c'est pas comme au Canada, ici, dans chaque parc, tu vois, avoir un grand terrain, tu peux jouer 11 contre 11, Et nous, on n'avait pas cette chance d'avoir des grands terrains comme ça dans les beaux quartiers. Ça t'a étonné, ça, au Canada? Ça t'a... Tu le savais ou comme... J'ai pas compris. Non, je dis, tu dis, c'est pas comme au Canada, il y a des grands terrains partout et tout. Ça t'a étonné un peu, ça t'a surpris? Nous, quand je suis arrivé ici, ce qui m'a le plus surpris, bon, je m'attendais à ça, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que il y a, à chaque fois, dans chaque parc, il y a un grand terrain, par exemple, presque dans chaque parc, il y a un grand terrain. Et le plus, ce qui m'a le plus surpris, je m'attendais à ça, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que il y a personne qui joue pratiquement. Et c'est ça, à part les clubs qui organisent et où il y a les associations, Oui. comme à l'Arso, ou bien comme tu connais ici, qui organisent des tours pendant la saison d'été, qui fait vraiment une saison par rapport au club. À part ça, les jeunes du quartier, ils n'utilisent pas le parc, là, à part pour C'est courir. terrible, hein? C'est Nous, on terrible, hein? a. Ouais, c'est terrible ça. Nous, si on avait ça dans notre quartier, oh mon Dieu. C'est notre quartier, on joue au foot à H24, là. Et dis-moi, Tu vois le terrain, il est pas utilisé. non, ça c'est fou. Et dis-moi, pour revenir un peu à ce qu'on disait, donc un tournoi, ça se passe comment? Il y a, est-ce qu'il y a, par exemple, tu m'as dit il y a des finales, des demi-finales, d'accord? Ça c'est sur la fin du tournoi. Et sur le début du Oui. tournoi, est-ce que c'est des phases à élimination directe, avec, je sais pas, aller-retour, ou est-ce qu'il y a des phases de poule, et puis il y a des groupes, et puis ça ressemble à quoi un match? Est-ce que ça dure, je sais pas, 2 fois 5 minutes, 2 fois 10 minutes? Est-ce que y a un arbitre? Est-ce que, tu sais, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Quelles sont les règles? Est-ce que les touches, vous les faites à la main? Est-ce que c'est au pied? Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça? Je vais parler un peu de tout ça et puis je vais te donner un exemple vraiment d'un grand tournoi. D'accord. Un tournoi qui représente vraiment beaucoup pour tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, surtout pour Yopougon. C'est un tournoi qui, à chaque vacances, des grands joueurs, des grands joueurs internationaux viennent à chaque vacances, surtout au moment des phases à élimination directe, comme les quarts de finale, demi-finale. Les grands joueurs passent là-bas à chaque moment. Et puis même, il y a un grand joueur que tu connais sans doute qui est sorti vraiment de là-bas. Moi, je l'ai connu dans ce tournoi-là. C'est un tournoi qu'on appelle le Zébié. C'est le nom du D'accord. terrain, c'est le nom de l'organisateur du tournoi. Il s'appelle Monsieur Zébié. C'est vraiment le tournoi numéro 1 en Côte d'Ivoire, je peux dire. À Abidjan? Je peux dire en Côte d'Ivoire en général. Je sais pas, je connais pas vraiment tous les tournois de petits buts en Côte d'Ivoire, mais c'est le tournoi qui suit beaucoup plus à Yopougon, dans Abidjan, dans la Côte d'Ivoire, je peux dire ça. D'accord. Parce que à tout moment, les grands joueurs viennent de là-bas, ils viennent là-bas, il y a plusieurs joueurs à chaque fois qu'ils sont en vacances en été qui peuvent passer là-bas vite pour faire un petit coucou. Qui par Et surtout à exemple? la finale, ils viennent. Je te donne un exemple vraiment d'un joueur qui est sorti là-bas, que moi je l'ai vu jouer, ma première fois de le voir jouer, c'est dans ce tournoi-là, Franck Kessié, Mais qui joue oui, maintenant au Milan AC. Milan AC, le milieu de terrain, Ouais. ouais. Ouais, le milieu de terrain, il est quitté tout droit de là-bas. Moi, quand je l'ai connu, il jouait dans un club en Côte d'Ivoire et tout et tout. Mais quand moi, je l'ai connu pour la première fois que je l'ai vu jouer, et je l'ai vu jouer au Zébié, dans le terrain, là, c'est un grand terrain, un grand terrain sableux qui suscite beaucoup. Et je pense que je t'ai déjà envoyé plusieurs vidéos, si tu te rappelles, Justement, on va en parler de ça, Kevin. Je vais en parler. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, c'est ça. C'est justement, c'est un tournoi qui est vraiment reconnu pour ça. Et c'est Franck Kessié, comme je le disais, il vient de là-bas. Et je vais t'expliquer comment le tournoi se passe. Oui. Ils font des groupes. Il y a des phases de groupe. C'est pas en aller-retour parce que ça demande beaucoup de choses et tout. C'est Mais c'est sur quand une même bien journée? organisé. Excuse-moi, c'est sur une journée ou 2 journées? Non, c'est pas une journée. Le tournoi dont je te parle, c'est vraiment pas une journée. Comme je t'ai dit, c'est vraiment un grand tournoi. Donc c'est vraiment bien organisé. Il y a la D'accord. sécurité, il y a la police. D'accord. Il y a des arbitres qui sont là à chaque match, il y a deux arbitres à chaque point parce que c'est des petits buts, donc il y a deux arbitres, un derrière chaque but. Et c'est vraiment un tournoi vraiment bien organisé. D'accord. Il peut y avoir, par exemple, je me rappelle que moi aussi j'ai participé à ce tournoi-là, je me rappelle pas vraiment combien de groupes il y a, mais je vais te donner un truc simple. Par exemple, on va sur quatre groupes de quatre équipes, comme normalement là. D'accord. Quatre groupes de quatre équipes, ou bien même, je pense que, si je me trompe pas, parce que c'est un tournoi qui dure toutes les vacances, je pense que je pense, si je me trompe pas, c'est 8 équipes, et 8 groupes plutôt, 8 groupes de quatre équipes. D'accord. Et ça joue du lundi au samedi, si je ne me trompe pas, même je pense dimanche. À chaque match, à chaque journée plutôt, chaque jour, il y a des matchs. C'est, il y a par exemple trois, les matchs du groupe. Donc il peut y avoir deux à trois matchs par jour. On va commencer à 15h, 16h pour terminer aux environs de 18h. Et les matchs, comme tu l'as demandé, ça dure. La plupart du temps, je pense, si je me rappelle bien, ça dure 30 minutes par demi. D'accord. Une mi-temps. Chaque mi-temps dure 30 minutes et c'est comme ça c'est organisé. Il y a les phases de groupe. On joue chaque jour. Les groupes passent au fur et à mesure. On calcule le nombre de points. Ce sont les mêmes règles que le foot général. D'accord. Et comme c'est les petits buts, les passes, les touches se font au sol, au pied. Et les règles restent pareilles. À part pour les gardiens de but, il y a une petite zone, parce que c'est les petits buts, donc il y a une petite zone où le gardien de but ne doit pas rentrer à l'intérieur. S'il rentre à l'intérieur de cette petite, ouais, ici, il rentre à l'intérieur de cette petite zone qui est devant son but et qui touche la balle, c'est une pénalité. Et on tire la pénalité au centre. Il n'y a pas de gardien, c'est un petit but, tu tires direct dans le but. D'accord. On met la balle au centre, c'est un petit but, tu tires direct, il n'y a pas de but. D'accord, comme c'est un petit but, le gardien, il a une centre comme au handball, comme au futsal, ouais, dans laquelle il n'a pas le droit d'aller. Au futsal. Exactement. Au futsal, le gardien, sa zone, il doit pas la sortir, il doit pas sortir. Exact. Tu vois? Mm-hmm. Mais dans nos règlements, depuis le nom vraiment, comme on l'appelle, il y a le futsal, il y a le football, le nom de ce jeu-là, au pays, on l'appelle le Maracana. Comme le nom du stade. Du terrain au Brésil. Ouais. Du stade au Brésil, voilà. On l'appelle le Maracana. Pourquoi? Tu tapes sur Google, Maracana, il voit rien. Je veux pas vraiment te dire pourquoi. D'accord, j'irai voir. Je vais pas dire pourquoi parce que ouais, je veux pas chercher. Ah, peut-être que je sais, voilà. Kevin. Peut-être que je sais. Voilà, justement, ce que je pense, c'est que les chaussures avec lesquelles on joue s'appellent aussi le maracana. Les chaussures? On appelle mes chaussures, tu vois, mes chaussures en plastique que je joue avec beaucoup là. Oui. J'ai mes chaussures à moi en plastique un peu. La plupart du temps, d'autres pays pensent à voilà, la plage et tout là. Oui. C'est avec ça, ouais, c'est avec ça nous on joue et ça s'appelle le maracana. Sérieux? Et c'est, ouais, donc c'est peut-être aussi, je sais pas vraiment d'où le nom sort, mais peut-être c'est de là aussi que le nom du jeu s'appelle, du nom sort et tout. Toi, tu joues au foot dans ces tournois avec ces chaussures là et tu les appelles, ouais, maracana. Ouais, c'est le nom de on les appelle les maracana et tout. Et peut-être c'est de là que le nom vient. Et c'est pas là où on a commencé. C'est la base de tout joueur ivoirien. On commence avec ces chaussures-là. C'est incroyable. Incroyable. En Afrique, c'est pas, ouais, c'est avec ça qu'on a commencé sur les goudrons. Parce que tu peux pas jouer avec des souliers de football 11 contre 11. Bien sûr. Sur les goudrons, tu vas glisser, tu vas te blesser. Et tout, même avec les chaussures de futsal, ça va vite finir, ou bien tu vas te glisser aussi sur le goudron. C'est pour ça que tu les portes maintenant, encore actuellement? C'est quoi? Il y a un sentiment de nostalgie, c'est quoi? C'est ça, justement, il y a un sentiment de nostalgie, un sentiment de fierté, un sentiment de dire, oui, c'est de là que je viens. Et tu sais, tu me connais très bien pour ça, pour la fierté. La fierté qui est dans moi de savoir que je viens de la Côte d'Ivoire avec toute cette valeur, je dois la représenter au maximum. Mais au Canada, personne ne le sait. Enfin, il y en a qui le savent que ces chaussures, elles sont Canada, portées durant ces matchs? Oui, au Canada, il y a, bon, ceux qui me côtoient le savent, parce qu'à chaque fois qu'on me demande, j'explique. Et, par exemple, tu me connais, l'équipe de football que je prends en été avec les filles depuis plus de 3 ans. Oui. Elles ont tellement aimé ces chaussures parce que depuis ma première année, je les portais pour venir aux entraînements. Elles ont tellement aimé ces chaussures qu'à chaque fois, Kevin, quand est-ce que tu nous apportes les chaussures? Kevin, quand est-ce que tu nous apportes les chaussures? Et cette année, l'année passée, plutôt en 2019, en été 2019, je les ai fait apporter 22 paires. 22 paires? Ouais, 22 paires bien comptées là. 22 paires pour toute l'équipe de foot. On était 20, je pense. J'ai fait apporter 22 paires du pays, tranquille. Des paires blanches. Elles ont aimé, on a joué avec ça aux entraînements, on tapait au ballon avec ça, elles ont aimé, donc c'est avec ça. Donc c'est avec ça qu'on a commencé. Et puis dans les tournois, c'est avec ça qu'on joue. Et comme je te dis les tournois par rapport aux éliminations, les tournois de c'est la même chose comme les éliminations, c'est la même chose comme les règles du monde. D'accord. Il y a les phases de poule, 3 points, victoire, nul. 1 point, défaite, 0 point. Ah, et dis-moi, en demi-finale, en cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? En cas d'égalité, ça, au bout de 30 minutes? Des fois, il y a des tournois où on donne des prolongations. Si le match, par exemple, c'est 30 minutes, 30 minutes, il y a des prolongations. Par exemple, on dit 10 minutes, 10 minutes. Et s'il y a encore de l'égalité, on va au tir au but. Tir au but, c'est pareil. On met la balle contre les petits buts. Sans gardien. On met la balle au centre. Ouais, sans gardien, on met la balle au centre. C'est vraiment loin, les petits buts. Je pense pas que comme c'est sans gardien, tu peux marquer facilement. Là. Je te dis, j'en ai marqué plusieurs, mais j'en ai raté plein. C'est quoi, t'es à combien? T'es à 5 mètres, 10 mètres à peu près? Non, ça dépend du terrain, tu vois. Le terrain, ah, d'accord. Il peut être grand, le terrain. Il est vraiment grand, le terrain. Et la balle est au milieu et les buts sont au milieu. C'est vraiment le centre du terrain. Et donc, si le terrain, il fait 20 mètres, la balle, elle est à 10 mètres. D'accord. Et le but, il est vraiment petit. Est vraiment petit. Ouais. Là, si tu vas sur Google, tape le but de Maracana, tu auras tout sorte de buts. Il y a des buts qui sont vraiment, je te dis là, énormes. Ils sont vraiment... Bon, parlons-en, Kevin, du Maracana. Moi, je pense que j'ai peut-être une idée d'où ça vient. Toutes les vidéos que tu m'envoies, que tu me partages, tu sais que j'adore ça. Et justement, on en a déjà un petit peu parlé. Je t'ai déjà posé quelques questions, mais le tournoi, c'est sûr. Tu vas me dire, est-ce que les petits tournois que tu dis, les petits tournois de quartier, c'est un peu pareil que ce grand tournoi? Mais notamment dans ce grand tournoi, moi, c'est fou. Les vidéos que tu me montres, il y a pas forcément de tribune tout le temps. Il y en a des fois, mais il y en a pas forcément. Les gens sont agglutinés proche du terrain, mais surtout il y a énormément de monde. Et comment ça se fait? Et comment ça se fait qu'il y a autant de monde? Comment ça se fait que en fait ça se passe bien, que les gens restent à regarder, restent autour du terrain, que c'est une bonne ambiance comme ça? Comment ça se fait? Pourquoi il y a autant de monde? Et comment tu vis ça toi en tant que joueur ou en tant qu'éducateur à ce moment-là? Mais c'est pour moi c'est un truc énorme là, parce que moi je te dis j'ai eu la chance de participer à ce tournoi là, même si j'étais encore quand même le plus jeune. Je pense que à ce moment quand j'ai participé à ce tournoi, j'étais vraiment le plus jeune de mon équipe là. J'avais peut-être à peine, si je me rappelle, 17 ou 16 ans, et je partais jouer avec mon équipe là, avait déjà 22 ans, 23. J'étais quand même le plus jeune. Il y a une ambiance qui c'est vraiment incroyable. Et le tournoi là, ça fait des années. Nous on est nés, on a trouvé le tournoi là. Et cette ambiance est toujours pareille. Et c'est parce que, comme je te dis, il y a vraiment de talent là-bas. Et on va là-bas pour l'ambiance. Et il y a des fois, il y a des joueurs qui font quand même rien d'extraordinaire. Ils font des petits trucs, mais dans les manières de faire, ils sont vraiment incroyables. Ils ambiancent la foule. Ils vont te faire, par exemple, une passe qui n'est pas énorme, mais dans les façons de courir, ils vont ambiancer, comme on dit, le public. Il y a une certaine ambiance là-bas, parce qu'on sait que le tournoi, là, c'est vraiment un tournoi réputé. On sait qu'on va trouver des joueurs talentueux là-bas. On sait qu'on va trouver des joueurs qui vont faire un freestyle là-bas. On sait qu'on va trouver des joueurs qui vont nous amuser. On va trouver le foot à l'état pur. Des talents que tu ne vas pas voir dans le 11 contre 11, là. Tu vois, dans le 11 contre 11, il y a une certaine, tu vois, une certaine ambiance de, par exemple, oh, je ne dois pas faire cette erreur, sinon... Je t'ai pas fait ci, je t'ai pas fait ça. Mais là-bas, c'est quand même la liberté. C'est l'expression, tu dois. Tu joues comme tu le sens la plupart du temps. Et il y a des joueurs qui vont juste là-bas pour l'ambiance. Ils vont juste là-bas pour faire des dribbles. Ils vont juste là-bas, même s'ils gagnent pas, le fait que le public crie son nom, le fait que le public ambiance. C'est une interaction entre les joueurs et le public. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'interaction. Il y a beaucoup d'interaction entre les joueurs et le public. Et la plupart du temps, comme cette ambiance-là, la foule que tu vois, c'est des équipes qui se déplacent avec le quartier totalement. C'est des équipes qui se déploient parce que le tournoi, par exemple, je te donne un exemple, par exemple, le tournoi ici, par exemple, il peut être à Hall, tu vois. Oui. Et l'équipe de Gatineau va se déplacer avec tout Gatineau. L'équipe du plateau va se déplacer avec tout plateau. Les gens qui viennent d'Ottawa vont se déplacer avec tout Ottawa. Parce qu'il y a des joueurs qui quittaient d'autres villes, et des équipes qui quittaient d'autres villes pour venir jouer au tournoi, dans le tournoi. D'accord, là pour expliquer ce que tu viens de dire, là, Kevin. Tu fais la comparaison avec le Canada, dans le sens où au Canada, tu vis dorénavant à Gatineau, donc proche, donc au Québec, proche d'Ottawa. Et en l'occurrence, pour expliquer à ceux qui écoutent, c'est que à Gatineau, pareil un peu, il y a différents secteurs dorénavant qui se sont regroupés pour représenter maintenant la ville de Gatineau. Et effectivement, y a le secteur d'Elmer, le secteur de Gatineau, le secteur de Hull. Et tout ça, c'est assez proche d'Ottawa, la capitale du Canada. Mais ouais, n'hésite pas à faire des liens entre ce que tu vis et ce que tu vivais là-bas, c'est extrêmement intéressant, même s'il n'est pas forcément évident de toujours comparer les pays entre eux. Mais je sais que tu le sais. Mais c'est vrai que ça permet de parler. Ça me permet moi aussi de. Ça me parle ce que tu viens de dire. Pour avoir vécu au Canada, je comprends un petit peu ce que tu dis. Ouais, donc c'est ça parfaitement. Donc c'est ça le lien que je voulais faire absolument. Donc c'est ça. Le tournoi peut être à Hall et puis c'est ça. Des équipes qui vont venir d'autres villes. Et donc ils se déplacent avec le quartier. Parce qu'ils savent qu'ils vont quelque part d'autre, ils ne vont pas avoir des gens pour les soutenir. Alors que quand tu n'as pas des gens pour les soutenir, on sait, on connaît, comme on le dit, on connaît tous l'ambiance du 12e homme, comme on le dit au football. Le 12e homme, c'est vraiment important. Ouais, mais en Côte d'Ivoire, il n'a pas la même saveur. Ouais, en Côte d'Ivoire, il y a, comme on le dit, un goût épicé. Et il y a un goût là-dedans. Il y a un goût là-dedans qui fait que vraiment, c'est vraiment, c'est comme on le dit, le tournoi, c'est vraiment. Et c'est parce que ce tournoi-là, ça reflète, c'est que d'autres tournois, il y a d'autres tournois aussi, qui c'est pareil là. Dans les quartiers, c'est pareil aussi. Dans mon quartier, comme je t'ai dit là, les tournois-là ont envoyé beaucoup de monde qui venait des quartiers à côté, et c'est toujours la même ambiance. Parce que tu sais que tu vas avoir du plaisir, tu vas voir, comme je t'ai dit par exemple, le tournoi, les vidéos que je t'ai envoyées, c'était actuellement lui qui est le meilleur, qui est le meilleur freestyler de d'accord, la... ouais. Titi Koné. Et donc, par exemple, lui, je donne l'exemple par rapport à lui, par exemple, parce que lui, Titi Koné, c'est un jeune de mon quartier avec qui j'ai grandi, avec qui on parle beaucoup. Et donc, lui, par exemple, tu sais qu'il joue ce soir. Et quand il va jouer ce soir, tu sais que forcément, il aura un petit truc qu'il va faire. Tu sais que forcément, il va, comme on le dit, il va mettre la honte sur un de ses grands frères, comme on le dit, parce qu'il est jeune, il va mettre la honte sur un de ses grands frères qui a peut-être 10 ans de plus que lui. Il va faire un petit freestyle que tu vas aimer pendant un match. C'est que tu vois pas ça, tu sais que tu vois pas chaque jour. Et comme ça, lui, par exemple, il a ses abonnés sur ses réseaux sociaux. Il va dire, oh, les gars, ce soir, je joue aux ébiers. Et tout le monde va être dans l'ambiance, va être enthousiasmé de le voir. Il y a une certaine envie de venir le voir. Et donc, c'est comme ça, maintenant, les réseaux sociaux nous ont aidés beaucoup aussi. Il y a cette publication sur les réseaux sociaux et tout. Avant, on le faisait par message, par texte, par appel, oh mon gars, viens, j'ai besoin de ton soutien, envoie tes amis, dis que je joue. Et ils savent qu'il y a certaines équipes qui sont vraiment fortes, il y a certaines équipes qui ont venu jouer et il va avoir une ambiance vraiment de fou. Et puis, je donne un exemple vraiment simple. Et l'ambiance que tu vois, le monde que tu vois, comment le monde arrive là-bas encore, c'est vraiment un truc de fou. Il n'y a pas de tribune, comme tu le dis, les petits, nos tribunes, comme on le dit, ce sont nos bâches qu'on le met, on met des chaises en bas et tout. Mais figure-toi que ces chaises que tu vois en bas, c'est comme dans la vie réelle, hein. Les chaises que tu vois en bas, on appelle ça des chaises VIP, ceux qui sont plus proches du terrain. Ce sont des chaises qui sont réservées, je te dis, des fois même 2 jours à l'avance. Sérieux? Je sais que. Il faut payer? Si tu connais. Ouais, il faut payer. Parce que c'est une organisation, ils louent des chaises, ils louent des bâches et tout. Donc, je sais que par exemple, Titi Koné va jouer dans 2 jours. Et je sais que je vais appeler l'organisateur. Ah, moi, je veux une chaise en bas à la première place là. Réserve-moi ma chaise, j'ai 2000 francs pour toi. Réserve-moi ma chaise, j'ai 10 dollars pour toi. Et des fois, tu arrives là-bas, tu veux t'asseoir, tu vois, il y a un gros caillou là-dessus. Tu vois les gros cailloux là, les pierres là. Si tu vois un caillou là-dessus, mon frère, dis-toi que c'est pour la place de quelqu'un, cherche-toi une autre place ailleurs. C'est comme ça là. Donc imagine l'ambiance là. Je te dis que ça réserve des chaises 2 jours à l'avance. Ouais, tu me disais justement qu'il y a aussi cette ambiance là parce que bah, y a peut-être un peu moins de choses à faire qu'au Canada et que ces événements là c'est des événements, c'est les événements principaux de la ville. Ouais, c'est ça. C'est par rapport au football, c'est les événements principaux de la ville en ce moment, du quartier, de la commune, parce que entre les quartiers, vraiment dans cette période-là, dans les vacances, c'est qui ambiance plus là, les tournois de football. Il y a plusieurs activités, mais par rapport aux jeunes et tout, là, c'est l'ambiance du football, par rapport aux passionnés, là, cette ambiance-là que nous, on recherche et tout. Et c'est le moment vraiment où tu sais que tu vas t'amuser, tu vas avec tes potes. Vous savez que Il y a un match, par exemple, qui est à 3 heures, vous partez, vous vous levez à 2 heures, à 1 heure, vous partez, vous commencez à prendre la route, vous partez là-bas avec votre pain à la main, avec votre eau, vous mangez, vous À pied, partez. en bus? Ouais, ça dépend. Ça dépend. Moi, où j'habitais, c'était vraiment pas loin là. D'accord. On prenait des. On rentrait dans un quartier pour sortir là-bas, on était arrivé. Des fois, quand on est en retard, on prend un petit taxi, on arrivait là-bas vite fait. Il y avait des taxis qui sont vraiment fréquents. On arrivait là-bas et puis deux fois, quand tu dis qu'on l'ambiance aussi, c'est ça. Quand tu sais qu'il est loué, parce qu'il y a toutes sortes là-bas. Il y a des stars de football, il y a des stars de la musique, il y a toutes sortes. Quand tu sais que, par exemple, il y a une star de football qui va venir ce soir, tu dis, ah, oh, moi, j'ai pas vu cette star-là. Je veux le voir aujourd'hui, je veux aller à cause de lui, je veux le voir. Regardez le match. Il y a cette, il y a ce, il y a ce chanteur-là qui va venir. J'ai pas eu l'occasion de le voir bien, je veux bien le voir. Et donc, tu vois, il y a toute cette ambiance-là qui amène les gens à là-bas, et c'est vraiment D'accord. fou, les matchs, là, les finales, là, c'est incroyable, tu peux pas, et comme je te dis, c'est l'ambiance qui fait beaucoup plus, là. Tu vois, Ouais, il y a je des vidéos que je comprends. t'envoie, pendant le match, il fait une phase et le terrain envahit, pendant que ça joue. C'est cette ambiance-là qui amène tout le monde là-bas, là. Tu veux aller voir des gens délirer. Des fois, tu vas juste pour voir pour aller voir une personne qui va courir sur le terrain, juste au moment où il va avoir une petite phase, et tu vois, c'est toute cette ambiance-là qui nous réunit là-bas. Et Ça nous lie au dis-moi, football et. pendant ce temps-là, Kevin, tu dis qu'il peut y avoir des tournois aussi pour les plus jeunes, U11, U13, tu disais. Est-ce qu'il y a des clubs là-bas? Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, tu faisais partie d'un club pendant ton année scolaire? Est-ce qu'après l'école, tu vas faire des entraînements? Oui, à un moment donné, j'ai intégré un club. Si je me rappelle, j'étais en classe de 6e. Je venais d'arriver juste au secondaire. Pour ceux qui m'ont écouté, je venais juste d'arriver au secondaire. Et là, je voulais entrer dans un club. Et mes parents m'ont mis dans un club un peu. Et donc, je partais à l'école. Et après, il y a des jours, on ne partait pas à l'école le soir. Donc, on avait des pratiques et tout. On partait aux entraînements. Et tout, il y avait les week-ends aussi, on partait aux entraînements et tout. Et donc, il y a des clubs de jeux. Des clubs de jeux, mais moi, j'ai quand même pas continué. Je pense que j'ai fait une année et puis après, j'ai cessé d'aller. D'accord, Parce qu'à la base, il y a une raison particulière pour parce que oui, les clubs. justement, on parle pas beaucoup de clubs de foot en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est parce que c'est trop cher? Est-ce que c'est parce que c'est pas très bien organisé? Est-ce que c'est parce que il y a pas Moi. d'infrastructure? Est-ce que c'est parce que les compétitions et les entraînements sont pas très intéressants? Ça se passe comment? Moi, mon cas, c'est ça. Bon, là, maintenant, je peux dire que les choses ont quand même évolué. Quand moi, j'étais encore où je partais et puis j'ai arrêté surtout parce que pour moi, il n'y avait pas une certaine organisation. D'accord. Dans le club où j'étais, il y a des clubs qui sont quand même bien organisés, comme il y a des grands clubs. Et moi, pourquoi j'avais arrêté d'aller là-bas, c'est juste pour ça. Parce que autant maintenant, c'est quand même bien organisé. Et puis, les parents peut-être poussent plus les enfants des fois qui veulent jouer au foot, d'aller au foot, parce qu'on a vu maintenant la certaine réussite de nos joueurs, de nos frères ivoiriens, comment ils ont réussi dedans. Donc, il y a beaucoup de parents qui poussent plus les joueurs et les enfants quand ils aiment le foot à aller dedans. Mais moi, quand j'étais encore là-dedans, quand je partais dans mon club dans lequel je partais, je trouvais que c'était pas quand même bien organisé dans le club où je partais. Et puis moi, je rêvais, par exemple, d'aller dans un club qui était quand même bien structuré, comme par exemple au temps de la SEC Mimosa, où on sait que beaucoup de joueurs sont sortis de là-bas, tels que Didier Zokora, Kolo Touré, Yaya Touré, Salomon Kalou et autres. Et moi, C'est c'était une quand même académie, un c'est un rêve de club? partir. Ouais, c'était une académie. L'académie d'où ils sont sortis, c'est à l'académie Mimosiscom, qui est un club qui s'appelle la SEC Mimosa, où la plupart de tous les internationaux, à un certain moment, sont sortis comme Yaya Touré et tout. D'accord. Et donc, c'était là-bas, ouais, c'était là-bas où je voulais partir, parce que je savais que là-bas, c'est une académie, il y a un suivi, il y a tout. C'est pas comme les clubs, par exemple, de certains quartiers où tu vas et puis tu sais que tu peux ne pas arriver à la fin, ou bien c'est que là-bas, ce sont les gens du quartier juste qu'on fait un club pour peut-être soutirer un peu d'argent et tout. Et quand j'ai vu quand même beaucoup de grands frères du quartier qui étaient dans ces clubs et puis qui ne sont pas allés loin, je me dis, ah, Kevin, Si peut-être tes parents ne veulent pas t'amener là-bas, parce que quand même, quand c'est ça, quand tu es un peu bon à l'école, ou bien tu es bon à l'école et puis il y a le foot, tes parents vont te pousser plus à l'école dans le temps. Hein. Oui. Et donc je me dis, bon, ouais, donc Kevin, bon, je sais que ça ne va pas t'amener loin parce que ce n'est pas bien organisé. Et puis bon, à un Parce moment, que maintenant, ce il serait faut organiser. différent. Maintenant, les parents, ils Ouais. pousseraient plus les enfants à aller au foot. Oui, il y a plus, comme on le dit, peut-être on le dit ça juste parce qu'on veut le dire. Mais je pense que c'est quand même vrai qu'on a vu certaines réussites et qui poussent peut-être plus. Ils parlent qu'il faut peut-être plus, ils vont pas dire de lâcher l'école, mais quand même qu'ils vont essayer de faire les deux à la fois. Ou de pousser, ah, si tu aimes ça, va là-dedans, continue à aller à l'école, ils vont te pousser. Tu vois, moi, mes parents m'ont poussé, mais moi, à un moment, j'ai vu que ce club-là, peut-être, n'allait pas m'apporter beaucoup. Alors que moi, je voulais Tu, peut-être ouais, aller tu, plus tu, haut et tu j'ai dit penses, bon. ouais, tu penses, c'est une question extrêmement intéressante, ça, Kevin. Je voulais passer à autre chose, mais je suis content que tu abordes ce sujet-là. Peut-être pas évident, mais tu penses quoi, qu'il y a des certains parents qui pensent ou qui se disent que ben, le football permet de mieux s'en sortir qu'à l'école? Je pense que certains parents, il y a oui, certains parents, surtout ça dépend des situations aussi des parents. Dans nos situations, dans nos pays, où il y a des parents quand même qui n'ont pas assez de moyens, je peux dire, pour mettre leur enfant à l'école jusqu'à la fin, qui se débrouille comme il peut. Ils Parce vont que essayer l'école est de. payante? Ouais, l'école est payante, des fois c'est quand même un peu, des fois cher. Des fois, ce sont les parents qui n'ont pas totalement les moyens de mettre les enfants à l'école, qui D'accord. vont se débrouiller comme ils peuvent pour le mettre à l'école. Et quand ils voient que son enfant a un certain talent pour le foot, ils vont essayer de pousser plus l'enfant vers le foot en même temps, toujours se débrouiller pour continuer à mettre l'enfant à l'école, mais ils vont pas, par exemple, stopper le foot pour juste l'école, comme certains parents qui ont les moyens de pousser, qui ont les moyens d'amener leurs enfants à l'école le font. Parce que les parents qui ont les moyens de m'amener l'enfant à l'école, ils vont juste l'amener l'enfant à l'école, ils vont dire, mon frère, oublie le foot. Mais il y a certains parents qui ont les moyens aussi qui font les deux, mais il y a certains parents quand ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont pousser leurs enfants plus à le foot, ou plus au foot, mais en continuant de les amener à l'école comme ils le C'est pas peuvent. évident, Kevin, là, parce que je pense qu'il faudrait faire quasiment un podcast que sur ça, et c'est vrai que ça m'intéresse Ouais. aussi, parce que je veux que ce podcast, il ait une portée un peu éducative et de voir un peu comment justement comment les Ouais, enfants sont éduqués un peu dans différentes cultures, et mais non, c'est vrai que mais quand même, comme. comment? Ouais, c'est ça, mais je dis comme les choses ont quand même un peu évolué au fur et à Qu mesure du Ouais, temps. qu'est-ce qui a fait la différence dans ton cas? Qu'est-ce qui a fait que, est-ce que c'est tes parents, est-ce que c'est toi, ou tu t'es dit, bah finalement le foot c'est un peu compliqué, finalement je me concentre sur l'école. Est-ce que c'est parce que tu étais bon, est-ce que parce qu'à l'école ça se passait plutôt bien, parce que je sais que tu t'en sors plutôt bien actuellement dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Mais ça, la différence pour moi, je me suis dit peut-être en ce moment-là, quand je voulais rentrer à l'académie, parce qu'il y avait un certain coût aussi pour rentrer là-bas, peut-être je me suis dit en ce moment-là, peut-être mes parents n'ont pas les moyens pour m'emmener dans cette académie-là. Et vu que moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes du quartier, des grands frères du quartier, qui sont passés dans des clubs où j'étais, dans les clubs du quartier, comme on le dit. Et ils ne sont pas arrivés quelque part, comme on le dit, ils ne sont pas arrivés loin, ils n'ont pas été footballeurs professionnels, ou bien ils ne sont pas arrivés D'accord, tu là. cherches des modèles un peu, des exemples. Voilà des exemples. Je me suis dit, ouais, bon, il a fait ça, où je suis actuellement, il n'est pas arrivé là-bas. Alors que si j'ai porté à l'académie, peut-être j'allais arriver là-bas, et je sais que je suis bon à l'école. Bon, c'est mieux de me concentrer sur l'école et puis avancer, que de me fatiguer avec un truc que je vais pas arriver loin. Non, je comprends. Et tu vois, c'est ça, alors que j'étais quand même bon à l'école. La plupart du temps, ceux qui vont peut-être en griffe, je pense, c'est ce que je pense, hein, c'est pas un cas général, mais ce que je pense, la plupart du temps, ceux qui vont continuer dans des clubs, par exemple, du quartier, c'est peut-être ceux peut-être qui se disent qu'ils sont pas assez bons à l'école, ou ils veulent pas aller à l'école, et D'accord. puis ils vont continuer dans le foot. Donc moi, c'est à pencher dans les deux cas. Moi, je savais que j'étais quand même bon à l'école. Je ne voulais pas me fatiguer sachant que ça allait pas m'amener où je voulais aller, alors que je voulais rentrer à l'académie, et puis peut-être mes parents n'avaient pas les moyens de me mettre là-bas. y a beaucoup de choses comme ça. Disons, Kevin, alors, je te coupe un petit peu, mais du coup, bah, mm-hmm. c'est ça, c'est, ça se passe bien à l'école, et puis tu es amené à rejoindre le Canada. Comment on va rester quand même, on va faire un focus sur le foot, parce que là, ça m'intéresse un peu qu'on mm-hmm. parle bah, de... même si tu m'as dit que ton aventure d'éducateur, d'entraîneur, elle a commencé en Côte d'Ivoire. Mais parlons un peu de ce qui s'est passé au Canada. Tu arrives au Canada. Moi, je serais curieux. Je pense pas qu'on en ait déjà parlé. Comment ça se passe, toi, en tant qu'Ivoirien, lorsque tu arrives au Canada, en tant qu'homme, de ton aventure personnelle, mais aussi tes débuts dans le foot au Canada. Comment ça se passe? Quels sont les... peut-être les difficultés que tu as lorsque tu arrives au Canada et quelles sont les différences après que tu observes concernant le foot en Côte d'Ivoire et puis le foot au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé en 2015, en juillet 2015, comme tout début quand je viens d'arriver dans un pays, même si j'avais quand même mes parents, j'avais mon père ici. Mais quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est quand même difficile. Et pour moi, c'était mon premier pays après la Côte d'Ivoire, parce que j'avais jamais voyagé hors de la Côte d'Ivoire. J'étais quitté directement en Côte d'Ivoire pour venir. Et donc, c'est quand même un griffe, ça. Tu quittes quelque part où tu as vécu quand même plus de 20 ans et tu viens dans un autre pays. Dans les débuts, c'était quand même difficile. Et surtout que j'arrive en juillet, je devais partir à l'école en janvier 2016. Dans tout ce temps-là, c'était avant janvier 2016, c'était quand même difficile. C'est quand même difficile, surtout que dans les débuts, j'avais pas d'activité. Je restais à la maison. Ma seule activité, c'était parler avec mes amis en Côte d'Ivoire sur Facebook et tout. Par appel, par message et tout. Et c'était quand même difficile dans les débuts. Je jouais pas au foot. J'avais personne avec qui jouer, j'avais personne avec qui parler. C'était vraiment quand même difficile. Dans les débuts, dans les deux premiers mois, plus avec la recherche de l'école, c'était quand même difficile. D'accord. Donc c'était quand même difficile. Puis à un moment, mon père, avec un de ses amis qui était à la STO, qui est la société de transport à Gatineau, le bus, et il m'a mis en contact avec un de ses amis qui jouait au foot. Parce que tous les chauffeurs de bus, partait jouer au foot les samedis dans un parc que j'ai reconnu après, et ce parc là c'est bien mon bleu le terrain auquel je m'entraînais avec mes équipes. D'accord. Okay. Et donc dans les débuts c'était difficile, je jouais pas, mais c'est quand j'ai commencé vraiment à jouer avec ces messieurs là que ça commençait à aller moralement, parce que c'est ma passion. C'est le foot qui a allumé la flamme, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le foot qui a allumé un peu la flamme, pour m'a fait quand même revivre un peu, parce que c'était quand même déprimant de rester à la maison à chaque fois. Bien sûr. Je faisais des marches vite fait pour aller dans des supermarchés, dans le mall, pour marcher, mais c'était avec des paysans de ne pas jouer au foot, de tous ses amis, de laisser tous ses amis, toute sa famille en Côte d'Ivoire pour venir au Canada dans un monde où tu connaissais presque personne. J'avais seulement, je pense, un seul ami que je connaissais, même c'était une fille. Donc, je ne sais pas avec elle, j'allais jouer au foot, c'est sûr, parce que je ne jouais pas au foot déjà. Et donc, c'était quand même difficile. Et après ces moments-là, ces petites flammes que j'ai commencé à avoir, à jouer avec ces messieurs-là, chaque week-end, j'ai commencé à être plutôt moi-même. Ça commençait à me plaire et tout. Et puis, janvier 2016 est arrivé petit à petit. Et je suis allé à l'école et c'est vraiment l'école qui a déclenché tout. Ouais, parce que est-ce que c'est un peu grâce à l'école? Comment t'arrives, si je dis pas de bêtises, premières expériences d'entraîneur, c'est lorsque t'arrives à l'ASH, à l'association de soccer de Hull. Comment tu fais? Comment tu fais pour y arriver et puis comment ça se passe? Mon premier année d'entraîner, c'est ça, c'est ASH, mais avant d'arriver là, c'est ça. Je me rappelle bien que mon aventure avec le foot, tout a été déclenché avec la cité collégiale. l'école, le collège où j'ai fréquenté, où j'ai fait mon diplôme en informatique en janvier 2016. Je commence en janvier 2016 et ma première chose dès que je suis arrivé à l'école, c'est aller voir vite le centre sportif où il y a le ballon. Je voulais taper dans le ballon et j'ai demandé est-ce qu'il y avait des équipes ici et tout. Et là aussi, il y avait une équipe de 11 contre 11, mais qui n'était pas assez organisée, c'était vers la fin et tout et tout. Et je pense que si je ne me trompe pas, oui, c'est là vraiment que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Et puis, j'ai commencé à m'entraîner un peu avec eux, même si c'était 11 contre 11, mais il n'y avait pas d'équipe pour le moment. Mais je jouais avec les amis au collège, on jouait entre amis, après les cours, les vendredis des fois, les mercredis. J'ai commencé à jouer, jouer. Et je pense que c'est la session qui a suivi, la session de janvier à avril, il n'y avait pas. C'est quoi les grosses Et différences là que tu vois au début entre la Côte je viens d'Ivoire d'arriver. et le Canada au niveau du foot? Au niveau du foot, mais ce que j'ai dit, la première différence, j'avais déjà dit ça, c'est surtout au niveau des terrains. Au D'accord. niveau des terrains, il y a dans les quartiers, il y a beaucoup de terrains. Je pense que où j'habite là, je pense que si je fais le décompte vite fait, je pense qu'il y a au maximum 4, 5 terrains où je peux aller à pied vite fait, 11 contre 11. 4, 5 terrains où je peux aller à pied vite fait, 5, 11 contre 11 pour jouer. Et la différence la plus terrible, c'est qu'il n'y a personne pour jouer. C'est fou, Alors que ouais. moi, dans mon quartier, il y a peut-être un grand terrain que tout le monde connaît. Les autres terrains, c'est la rue. On jouait derrière nos villas, on plaçait des terrains avec des briques, comme je le disais. On jouait quand il y avait une voiture qui passait, on stoppait la balle. Le nombre de balles que les voitures ont explosé, on ne peut pas compter là. Les voitures ont presque pété peut-être 100 ballons avec lesquels on jouait là-dedans. On n'avait pas de terrain dans nos quartiers, mais ici, il y avait beaucoup de terrain et pas vraiment utilisé, à part en été peut-être, ou c'est utilisé encore là par les organisations, juste par les organisations, pas par des gens qui se lèvent au quartier pour jouer là. C'est utilisé par les organisations. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas d'organisation, il n'allait pas avoir vraiment de foot là. Il n'y a pas de jeunes du quartier qui vont s'élever comme ça. D'accord. Et une Alors que fois que tu nous, chaque commences, jour, on jouait là. ouais. Et une fois que tu commences à jouer, Kevin, une fois que tu commences à jouer avec cette équipe, donc t'intègres l'équipe, comment ça se passe l'intégration et comment là, quelles sont, tu sais, quand tu commences à jouer, quelles sont les différences que tu vois entre bah, le foot que tu as joué en Côte d'Ivoire et puis le foot que tu jouais après en 2016 justement au Québec? Ouais, mais par rapport, parce que à la cité collégiale, on jouait quand c'était un peu du futsal, on jouait. D'accord. Donc, il n'y avait pas de différence par rapport au terrain. C'était quand même un terrain réduit. Donc, ça, j'étais quand même encore en griffe dans le même terrain. Donc, ça était encore plus à l'aise. Mais c'était les buts qui étaient un peu différents par rapport aux buts du Maracana, qui étaient des buts de futsal, de handball. C'était les premières différences à peu près. Mais même si en Côte d'Ivoire aussi, je jouais avec une on appelle ça une fée. Une organisation, les week-ends, on jouait aussi avec des grands buts comme ça, on appelait comme le Maracana brésilien, avec les règles du Maracana brésilien. On jouait avec ces grands buts-là, donc je connaissais un peu aussi. Donc on jouait comme ça. Donc la première différence, c'était libre. C'était libre. Voilà, c'était que dans les deux buts, c'était libre parce qu'on jouait entre amis, donc on n'avait pas vraiment de règles. C'était les règles simples où on jouait avec le pied, on tirait, il y avait des corners et tout et tout. Il n'y avait pas à la base de règles de futsal. Et quand les sessions ont suivi, je pense que c'est ma session de septembre 2016. Septembre 2016, lorsque il y a un monsieur au Canada qui est mon coach jusqu'à présent, qui est vraiment à fond dans le futsal en Outaouais, au Québec, qui est André-Pierre Lorrain, qui a avec son collègue, nous on les appelait le duo dynamique, avec Simicha, Syndic, qui ont décidé, parce que c'était des anciens élèves de la cité collégiale, ils ont décidé d'amener le futsal. Ils ont essayé d'envoyer le projet du futsal à la cité collégiale. Et c'est d'eux-mêmes que le nom la pluie vient. Leur appel vient d'eux. C'est eux qui m'ont appelé la pieuvre. Et donc, c'est eux qui ont décidé d'envoyer le projet futsal à la cité collégiale. Et ils ont envoyé le projet futsal, ils ont fait les annonces qu'il y avait des présélections et tout et tout. Et donc, les élèves de la cité sont venus faire les présélections. Et les élèves de la cité, nous tous, on se connaissait déjà, on se connaissait entre nous. On savait peut-être un peu après quoi qui allait peut-être jouer, pas. Ils ont fait la sélection et tout, et puis moi, ils m'ont sélectionné. Et c'est là que tout est parti. On a commencé à jouer, on a joué dans une ligue à Ottawa, on a commencé à gagner des trophées, on a commencé à gagner des matchs, des compétitions. Et par rapport à... Ouais, par rapport justement, Kevin, ma question, c'est quand je dis les différences que tu as vues, c'est toi qui as beaucoup joué en Côte d'Ivoire. Et lorsque tu arrives au Québec et que tu commences justement à jouer, est-ce que c'est le même type de foot? Est-ce que, par exemple, je sais pas, au niveau des passes, au niveau des dribbles, au niveau des contacts, au niveau de la façon dont les joueurs et les équipes défendent ou attaquent, la façon dont les coachs entraînent, la façon dans les causeries, les préparations de match, est-ce que tu, dès le début, tu arrives à te dire, ah bah tiens, c'est pas le même football, c'est un peu différent, tiens, bah en Côte d'Ivoire c'était comme ça, au Québec c'est comme ça, est-ce que tu vois un peu de quoi je parle? Ouais, je vois un peu de quoi tu parles. Au niveau de la façon de jouer individuel de chacun, de la technique de passe, au niveau de passe, je peux dire en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de talent là. Dans mon quartier, là, il y avait énormément de talent. Il y avait énormément de talent. Et dans mes débuts, là, ce que je voyais là, ça ne m'impressionnait pas. Au niveau du talent et tout, ça ne m'impressionnait pas parce que j'avais quand même beaucoup déjà vu des choses qui m'ont fait plus rêver en Côte d'Ivoire par rapport au talent, par rapport aux passes. Et truc, la plupart du temps, surtout dans les débuts à la cité collégiale, c'était des gens qui voulaient juste venir courir. Donc, il y a des gens qui ne savaient même pas contrôler une balle, qui tiraient dans tous les sens et tout. Donc, à ce niveau-là, la différence était grande par rapport à la technique. Il y avait beaucoup de joueurs talentueux en Côte d'Ivoire que ce que j'avais vu dans les débuts à la cité collégiale et Québec et tout. Et par rapport au coaching, par rapport quand j'étais joueur et puis par rapport aux préparations des matchs et tout, ma première expérience en tant que joueur qui a eu un coach avec les préparations des matchs, vraiment ma première expérience, c'est ici au Canada. En Côte d'Ivoire, j'avais eu cette expérience-là, mais ce n'était pas avec vraiment des coachs et tout. C'était avec, comme je disais, des grands frères du quartier, mais avec une même préparation qui faisait des matchs, des préparations des matchs, qui faisait ses entraînements. C'était une préparation avec les mots ivoiriens, comme on le dit dans notre jargon, avec des mots ivoiriens pour dire que les gars, on va au charbon, on doit sortir là, en sachant qu'on doit gagner, il y a tout le monde qui nous regarde et tout. Ici, c'était le même discours, mais avec plus de pratique, plus d'entraînement. Donc, quand il y a une certaine organisation, c'est ça. Et la différence, c'est ça, il y a plus de talent, par exemple, en Côte d'Ivoire, et peut-être moins organisé, et ici, peut-être, il y a moins de talent et plus organisé. Est-ce qu'il y a des choses au Québec où tu t'es dit, ah bah tiens, c'est dommage qu'on ait pas ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, en Côte d'Ivoire il y avait ça, ou est-ce qu'il y a des trucs au Québec que tu n'arrives pas peut-être à comprendre, ou tu as du mal à t'adapter encore, ou bah, non, je suppose que tu t'es bien adapté maintenant, mais est-ce que, je sais pas, il y a des trucs que tu ne comprends pas en comparant un peu avec la Côte d'Ivoire? Non, au niveau de l'adaptation, c'est bien passé quand même. Là. Mm-hmm. Je suis une personne qui sait m'adapter facilement, surtout dans le domaine du football, du sport. Je n'ai pas eu vraiment de mal. Quand j'ai commencé à me faire connaître, à jouer avec un peu tout le monde, c'est venu. Mais comme je dis, par rapport à ce qui a vraiment changé, c'est que peut-être on pouvait... Je me disais qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça, et ici, il y a ça. C'était au niveau quand même de l'organisation. Ouais, bien sûr. Au niveau de l'organisation, c'est quand même bien organisé, bien structuré. Nous, tout le monde, on le faisait par exemple une fois en passant et tout. Alors qu'ici, là, si la mentalité que moi j'ai vue ici, par exemple, et que j'ai dit, je pouvais mettre ça en Côte d'Ivoire facilement, dans le quartier, là, on pouvait faire, par exemple, notre ligue. Parce qu'on jouait, il y avait beaucoup d'équipes là. On jouait, on pouvait faire notre ligue pour jouer pendant les saisons. On pouvait bien organiser ça. La ligue avec 10 équipes, 8 équipes facilement. Tu fais ta ligue, on organise ça bien, structuré. Même si c'était sur papier, on m'a fait un tableau Excel, comment comptabiliser le point, on peut faire même créer un logiciel. J'ai commencé à voir ça dernièrement, qu'on pouvait faire plus. Parce qu'il y avait beaucoup de talent, il y avait beaucoup de joueurs, mais on n'était pas organisé. On venait juste jouer pour s'amuser, là. Bien sûr. Alors que si on jouait structuré, si on faisait vraiment une ligue, juste pour les quartiers, hein, juste pour les quartiers, t'allais voir qu'il y a d'autres quartiers qui allaient venir, et puis ça allait développer une certaine ambiance. Comme je donne juste l'exemple du futsal qu'on a ici actuellement. Bien sûr. Il y a une certaine ligue, il y a une ligue qui est bien structurée avec des organisateurs, on va jouer dans des tournois, c'est beaucoup organisé. On pouvait faire une ligue juste même du Maracana comme ça, pareillement. Donc la grande différence, j'ai vu là, c'était par rapport à, vraiment à ça, par rapport à la structuration, si on s'organisait mieux, on avait fait une ligue du Maracana qui allait être vraiment au top. Et dis-moi, Et du coup, cette Kevin, saison. parlons-en un peu maintenant d'entraînement. Parlons un peu de ton expérience d'éducateur. On va parler de t'as commencé entraîneur de football avant de devenir entraîneur de futsal. Dans un premier temps, moi, ce qui m'intéresse, avant de comparer le futsal et le football, parce que j'aimerais beaucoup aborder avec toi l'entraînement de futsal, parce que je suis pas du tout un spécialiste et j'aimerais bien en parler un petit peu, voir un peu les différences que toi tu observes en tant que joueur, mais surtout en tant qu'entraîneur. C'est surtout ta vision d'entraîneur qui m'intéresse maintenant. Quand est-ce que tu commences à devenir entraîneur? Comment ça commence? Et dis-moi un peu comment ça s'organise, comment ça se pince un peu ton expérience d'entraîneur. Mon expérience d'entraîneur, comment ça a débuté? Ça a débuté, ouais, toujours par rapport au foot, au football. J'avais commencé mes premières années parce que j'étais venu à la ASH. J'étais parti d'abord essayer pour l'équipe senior du football en tant que joueur. Et la première année, quand j'étais arrivé, l'équipe était déjà faite et tout. Et puis l'entraîneur, en ce temps de l'équipe réserve, c'était Slava. D'accord. Il m'a fait partir vers un autre club pour aller jouer en attendant l'année prochaine. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire, non, je me suis fait connaître un peu avec des amis, avec des joueurs même en ce temps du FC Gatineau et tout. Et c'est par là que c'est arrivé parce que j'ai commencé à jouer avec des joueurs, surtout quand notre saison futsal a commencé, parce que tous les joueurs du FC Gatineau se retrouvaient à la saison futsal. Et c'est à la saison futsal que on s'est connus plus. J'ai commencé à prendre contact avec tout le monde. Et c'est allé de là à là. Et je pense que c'est en regardant sur Facebook où je me rappelle plus bien. Je pense que c'était quelqu'un qui m'avait approché par rapport à ça, que la SH chez les entraîneurs et tout. Et je me rappelle très bien que c'était mes premières années, c'était avec Maxime. Maxime D'accord. Chalier, Ouais. c'était avec lui mes premières années. C'est parce que en ce temps, c'était lui qui était le coordonnateur et tout. Et je me rappelle pas très bien comment la première approche est faite. Mais je pense que c'est pas là, c'est par rapport aux joueurs de foot, de football du FC Gatineau qui ça a commencé. Ça a commencé par là. Et puis, bon, je pense qu'il y a certains qui m'ont dit qu'eux, ils coachent là. Et puis je pensais j'ai été intéressé, je suis allé, on m'a dit bon, tu peux écrire à ci, à celle-là. J'ai commencé à aller voir les dirigeants de l'ASH. Et c'est par là que tout a débuté. Et j'ai eu mon Ouais. équipe de Ouais, du rentrons dans les coup. détails, ouais. Comment c'est quoi ta première équipe? Ça ressemble à quoi à peu près tes premiers entraînements? C'est quoi tes premiers entraînements? Comment toi tu t'organises pour préparer tes séances? Oui, c'est ça, mes premiers entraînements. À la base, l'ASH a fourni un document par rapport à la catégorie. D'accord. Parce que ma première équipe, c'était U12, c'était U12 en filles. J'avais pris des filles. U12 filles. Je pense qu'on était en 2-3, ouais, on était en division 3. Donc, on avait un document par rapport aux séances et tout. Et donc, je préparais les séances par rapport à ce document-là. Je commençais par la base, comment on fait des passes et tout, et je regardais le schéma, je les modifiais par rapport à l'âge, je voyais que c'était trop, je mettais d'autres séquences là-dedans, je mettais des variations. Et mes premiers entraînements, c'était quand même, je ne vais pas dire difficile, Mais j'ai quand même bien aimé parce que c'était des enfants, des filles de U12. À la base, j'aime beaucoup les enfants, j'aime m'amuser. Donc, j'ai pris ça pour m'amuser et c'est ma passion. Donc, les débuts ont été bien quand même. Je savais canaliser les enfants, on jouait ensemble, on s'amusait, on passait du bon moment ensemble et c'est comme ça. Et tu apprends. Quand tu t'amuses et que tu apprends, c'est plus facile. C'est ça? C'est plus facile. C'est ça. En t'amusant, tu apprends plus en t'amusant. Surtout avec les enfants, Qu'est-ce si qui te fait tu dire ça? jouais. Mais il y a, à un certain âge, les enfants n'ont pas besoin de comment on dit ça, de. Il ne faut pas obliger les enfants. Surtout à 12 ans, là, ils veulent plus s'amuser, ils veulent plus toucher au ballon. Donc, il faut entrer, comment on griffe, dans leur peau. Il faut être un enfant de 12 ans à ce moment-là. Et c'est ce que je faisais. J'écoutais des filles de 12 ans, je rentrais dans leur peau de 12 ans et je me disais, bon, si j'avais 12 ans, comment j'allais réagir par rapport à ça? Qu'est-ce que j'allais vouloir aimer faire? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que je peux faire? Et on s'amusait comme ça, en faisant les passes, en rigolant, en tapant dans le ballon, en faisant des tirs. Et c'est comme ça, en s'amusant qu'on a développé un certain lien et puis on commençait pas à gagner des matchs. Le début était vraiment difficile. On a perdu peut-être presque nos trois premiers matchs, mes quatre premiers matchs. Au fur et à mesure, le niveau a augmenté, on a fait des matchs nuls, on était proche de gagner, on menait au score, on nous a rattrapés. Au fur et à mesure, on a gagné la première année, on n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais le peu de matchs qu'on a gagné, on a été tellement contents parce qu'on est arrivé à un certain objectif. On est quitté du bas en perdant des matchs. Après, on a été moyen en faisant nul. Et là, en griffe, on a été fort en faisant une victoire. Et Et dis-moi, c'est Kevin, ce là, que je je fais t'arrête, là, surtout par avec les rapport enfants. à... Excuse-moi, je t'arrête. Tu crois que tu dis, je me mets dans la peau d'une fille, d'une joueuse, d'un joueur de 12 ans. De quoi il a besoin, ce joueur? Tu dis, toi, tu t'imagines être à la place et de quoi ce joueur a besoin pour s'amuser et du coup pour apprendre plus facilement en s'amusant? Mais pour s'amuser, il faut pour ce joueur de 12 ans là, il faut avoir une personne en face de lui qui aime d'abord s'amuser. Ça, c'est d'abord un là. Si tu mets une personne, par exemple, qui veut, par exemple, coacher déjà directement des gens pour gagner, ça va pas marcher. Si tu mets une personne, par exemple, qui est habituée à coacher des U16, division 1 ou double A, avec des enfants de U12, filles, D3, ça va pas marcher. Il faut une personne qui sait s'amuser avec les enfants pour coacher cet âge-là. Et donc, avec eux, ça passe par l'amusement. Il faut pas leur dire, ah, fais cette passe comme ça. Il les laisse faire la passe. Tu vois qu'il s'est pas été bien. Quand même, tu prends ton pied, tu fais la passe en ralenti. Lui-même, tu attrapes son pied. Tu lui montres une passe, comment elle doit bien se faire. Comment la position. Tu vois, tu t'amuses, c'était avec, tu t'amuses avec lui. Que de lui dire juste fais-le. À un enfant de 14 ans, tu peux lui dire fais, ou bien à un enfant de 16 ans, de 1, tu peux lui dire fais parce que tu sais qu'il est capable de le faire. Mais un enfant de U12 qui est en D3, qui peut-être la plupart d'entre eux viennent d'arriver au football, il faut pas leur dire juste fais et tu vas penser qu'ils vont le faire. Il faut vouloir t'amuser avec eux, il faut vouloir courir dans tous les sens avec eux, il faut vouloir les organiser, il faut vouloir les placer. Il faut vouloir il faut vouloir plutôt être patient. Il faut être patient avec eux. Et Il faut s'amuser et c'est eux apprendre. tu me dis que durant la première saison, bah là, je pense que tu as beaucoup appris. Tu me dis que vous n'avez pas gagné beaucoup de matchs. Et tu me dis que vous avez tout de même passé une excellente saison. Bah c'est quoi une excellente saison pour toi? Et qu'est-ce qui te montre que les joueurs, les joueuses, elles ont énormément progressé durant l'année? Mais une excellente saison pour moi qui viens de débuter, parce que je rappelle que c'était ma première année. Et la plupart de ces joueurs aussi, c'était la première année. Et on était en D3. Donc quand tu dis D3, ça veut dire que ce sont des enfants qui apprennent à jouer la plupart. Et une excellente année pour moi, c'est voir d'où tu as commencé et où tu es arrivé. On a commencé avec des défaites de 8-0, là. Des défaites de 8-0, de 9-0. Et on est monté avec des défaites de peut-être 3-2, 3-1. On est monté avec des nuls. Et on a fini par gagner des matchs. Et au fur et à mesure, parce que c'était des matchs en aller et tout. Et toutes ces équipes qui nous avaient battus à l'aller, avec des scores de 8-0, quand on les a repris et tout, on a gagné certaines équipes, on a fait nul contre certaines équipes, toutes les équipes nous ont gagné avec moins de buts. Donc c'est cette progression-là que moi j'ai dit, à la fin, oui, c'est vrai qu'on n'a pas été premier, on n'a pas été deuxième, on n'a pas été troisième, mais un objectif a été atteint. On a commencé par exemple de 0, mais on est arrivé quand même à 4. Donc il y a une certaine progression. Donc c'est cette progression-là, moi et les joueuses, on se satisfait de ça pour dire, bon oui, on a commencé en bas, c'est vrai qu'on n'a pas fait une saison wow, mais on a quand même progressé parce qu'on perdait des matchs et on a réussi à gagner des matchs. On perdait des matchs 8-0, et ces mêmes équipes nous ont gagné 8-0, on a gagné ces équipes-là. Donc moi, c'est la progression qui est là. Et c'est dans ça que tu vois une progression. Ouais, parce que je fais une petite précision là pour une précision pardon. Ouais, à U12, il y a encore des divisions, bah la D3 c'est la plus faible, et puis ensuite il y a D2, puis il y a D1, puis après quand les joueurs grandissent, et bien après le D1, il y a le 2A et le 3, donc ça c'est un peu les niveaux de compétition au Québec. Et c'est juste pour expliquer un peu, et un peu Kevin, moi je sais qu'on en a déjà parlé un peu, mais j'essaie de comprendre, et c'est pas évident, parce qu'on n'a pas vraiment la même culture, et tu te dis, bah voilà, bah, malgré le résultat, bah, on passe une excellente saison, notamment par la progression. Je sais que toi tu fais pas vraiment une focus uniquement sur le résultat, même si l'aspect compétition est important, parce que ça fait partie du jeu. Néanmoins, comment tu fais toi, là c'est une vraie question là, qui enfin elle m'intéresse tout autant que les autres, mais peut-être un peu plus. Tu dis voilà, moi ça me parle quand tu dis, lorsque tu dis on apprend plus facilement en s'amusant, mais durant cette saison là et dans toutes celles qui vont suivre notamment, quels sont les ingrédients que toi tu mets et comment tu fais, comment tu t'y prends justement pour mettre une bonne ambiance dans le groupe? Parce que je sais que toi, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais je sais que je l'ai observé de mes propres yeux. Tes équipes vivent bien, tes équipes, l'ambiance de tes groupes, la plupart du temps, la plupart des joueurs, des joueuses sont heureux d'être avec toi. Et voilà, qu'est-ce que tu mets en place? Comment tu mets ça en place? Est-ce que tu... Durant tes entraînements, qu'est-ce que tu fais? Mais aussi, en dehors de tes entraînements, qu'est-ce que tu organises pour, tu sais, justement, pour cette gestion de groupe, pour cette vie de groupe? Ouais. Est-ce que tu as compris ma question un peu? Elle n'est pas trop compliquée? Ouais, j'ai compris parfaitement la question. Peut-être que ça sera un peu difficile, mais je vais essayer d'expliquer ça brièvement. Mais le truc, je pense que d'abord, c'est naturellement. Parce que dans ma façon d'être moi-même, depuis le pays, je suis un regroupeur. Tu fédères les gens. Ça veut dire que... Ouais, c'est ça qui est. Un regroupeur, celui qui rassemble les gens, qui regroupe le monde et tout, par sa façon d'être, par sa manière d'être, par son approche. C'est une façon de faire que peut-être beaucoup de personnes aiment, une façon de faire simple. C'est dans ma nature. Donc, à ma joueuse, et c'est cette ambiance là qui fait vivre le groupe. Un griffe, bon, comme je l'ai dit, par exemple, un nom de c'est moi Kevin Lévry, c'est moi la pieuvre. Comme on me fait appeler la pieuvre, comme il y a beaucoup de personnes qui savent que par exemple je sais jouer, ou bien on m'appelle la pieuvre parce que je suis quand même un peu fort au football. Je vais venir avec des épaules larges pour dire que c'est moi Kevin Lévry. Non, je viens avec ma personnalité que j'ai d'être simple. Je viens pour dire je viens m'amuser. Je viens pas pour dire que je suis un grand ou bien une personne qui sait jouer au foot depuis longtemps, une personne qui connaît le foot que mieux que ces jeunes. Je viens pas pour dire que ouais je suis fort que, et je viens en étant simple, le mettre à leur niveau pour faire avancer les choses. Je pense que c'est de là que tout va, parce que comme tu l'as dit, oui, j'ai une certaine manière de faire sans me rendre compte plutôt, et mes groupes vivent bien cela, et J'essaie toujours un peu dans la continuité, comme tu le sais. Et c'est ça qui fait aussi que mes groupes vivent bien cela. Parce que les joueuses que j'ai depuis U12, actuellement, j'ai ces mêmes joueuses. Jusqu'à l'année passée, j'avais ces mêmes joueuses en U14. Donc ça fait 4 à 3 ans que la plupart du temps, mon groupe, si on est sur 20 joueuses, j'ai 15 joueuses que je connais, ça fait 3 ans, 3 à 4 ans. C'est un peu dans, comme j'aime le dire, c'est dans la façon de faire de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, ce sont des gens qui aiment s'amuser, qui aiment rigoler, qui aiment ambiancer, qui aiment mettre l'ambiance. C'est pas tout, ça passe par la musique, ça passe par la manière de faire, passe par la manière de mettre la personne en face à l'aise. J'ai dit que, ouais, je suis dans comment dire, dans mon élément. Je suis à l'aise dans ce que je fais. Et c'est comme ça, c'est pas là que je passe mon message, en étant moi-même, en faisant rigoler les autres, en m'amusant. Parce que quand je m'amuse avec les autres, ils apprennent et puis ça me fait plaisir. C'est un peu ça. Parce que je dis, c'est quand même naturel. Je ne fais pas, je sais pas, comme on dit, je n'ai pas un secret en particulier. Et peut-être mon secret, c'est ça. Et Ça me fait plaisir, c'est ça le comment secret. tu l'expliques toi au même titre que d'autres Ivoiriens comment tu expliques que vous ayez ça dans le sang? Qu'est-ce qu'on dit chez nous, on dit ça s'explique pas, c'est dans le sang. Ça s'explique pas, c'est dans le sang, parce que tous les Ivoiriens à la base, on n'aime pas on n'aime pas les histoires, on n'aime pas la guerre, on n'aime pas les conflits, on aime juste s'amuser. C'est pourquoi il y a des choses terribles qui se passent dans le monde, et puis tu vas voir qu'on va penser à, pas qu'on va penser à la rigolade, mais excuse-moi, on va s'amuser avec. On va s'amuser avec pour faire passer le message, faire véhiculer le message. Donc, par exemple, je te prends un exemple simple actuellement du corona qui se passe actuellement dans le monde où on est tous confinés, qui est vraiment une situation grave. Tu vas voir qu'il y a des Ivoiriens qui ont fait des musiques sur ça pour danser, pour s'amuser. Il y a, dans le temps où il y avait le virus de la grippe aviaire, il y a une chanson qui a cartonné en Côte d'Ivoire qui s'appelait La grippe aviaire. Où le chanteur disait que la grippe aviaire est vaincue en Côte d'Ivoire, on prenait pour rire, on prenait pour s'amuser, et puis on a combattu cette maladie avec ça et tout. Donc, l'ambiance est entre chaque Ivoirien. On aime s'amuser, on aime rigoler avec tout le monde, on aime. Et donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que peut-être ça va être difficile d'expliquer cela, mais tout vient de là, je pense. Ça vient quand Merci, même un peu de là. ouais, merci Kevin. Non, c'est vraiment une question. Je sais que c'est pas évident, mais peut-être que moi j'en parlerai peut-être mieux que toi parce que je l'observe et peut-être que toi tu le Ouais, vis. c'est C'est ça, peut-être pas évident, c'est mais ça. c'est vrai que c'est quelque Ouais, c'est chose ça. qui me. Ouais, c'est C'est clairement quelque ça. chose qui marque dans la façon dont tu entraînes Ouais. et moi c'est quelque chose que Ça. j'ai pas intégré et c'est une qualité encore que je n'ai pas développée. Mais que j'aimerais davantage intégrer dans ma façon d'entraîner et dans ma façon de gérer un groupe, d'amener un groupe. Mais non, merci de partager. Dis-moi, là, je vais le couper au montage, mais Kevin, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps, parce que ça fait déjà 1 heure et demie? Non, parfait, tranquille, on a le temps là-haut. La soirée, c'est dédiée à toi, là. Ok, La parfait. soirée, t'es dédiée ici, on peut faire 4 heures encore, je suis là. Alors là, bah, j'aimerais qu'on parle d'autre chose, là, vraiment, Kevin. J'aimerais qu'on Vas-y. parle uniquement de ballon, là, vraiment, uniquement de ballon et d'entraînement. Ok. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément dans le podcast. Moi, je veux apprendre de tout le monde. Et notamment, bah, ce qui m'intéresse, c'est que toi et moi, on n'a pas du tout la même culture. On n'a probablement pas la même façon de concevoir l'entraînement, de concevoir la façon dont tu prépares ta séance, dont la façon dont tu organises ta séance, la façon dont tu amènes tes exercices, tu expliques tes exercices, la façon dont tu communiques avec tes joueurs, etc. Ouais. Et j'aimerais aborder avec toi aussi les différences qu'il y a entre le futsal et le football. Oui. Et la première question que je voudrais te poser pour commencer ça, pour commencer, c'est quels sont Kevin, entre Kevin l'entraîneur de football et Kevin l'entraîneur de futsal? Est-ce que tu prépares tes séances différemment? Et comment ça se passe? En quoi c'est différent ces deux postures? C'est le fait d'être entraîneur dans deux disciplines qui, je pense, ne sont pas vraiment les mêmes sports. Lui, c'est pas quand même la même manière de pratiquer les séances parce que déjà, il faut penser déjà que tu pratiques une séance pour un sport à 11 et puis une séance pour un sport à 4. À 4, à 5, 4 plus le gardien. Donc, il y a d'abord l'aspect surface, l'aspect terrain qui est restreint. Il faut penser à cela. Et il faut penser aussi aux règles de futsal qui sont pas pareilles aux règles de football à 11. Et la première des choses qui me vient à l'esprit, vite fait comme ça, c'est que le futsal, ça se joue quand même très rapidement. Et parce que chaque arrêt, c'est 4 secondes pour pouvoir jouer. Donc les touches, ça se joue plus rapidement. Les relances au gardien, ça se joue plus La rapidement. notion de rythme est très importante. Ouais, la notion de rythme, c'est vraiment là moi, la grande différence que je vois entre le futsal et le football, c'est vraiment là. L'espace, le nombre de joueurs et le rythme. Et le rythme, Avec les c'est règles, les deux grandes évidemment. différences que je vois. Ouais, avec les règles, oui, évidemment. Mais c'est ça la plus grande différence à ce niveau-là. Et parce que le rythme, ça doit enchaîner très vite. Ça doit enchaîner. Surtout là. Et ce que je disais toujours à mes joueurs, surtout de futsal, que la cadence doit être très vite là. Entre la fraction de seconde que tu penses à ton erreur que tu as ratée, cette fraction de seconde-là peut nous coûter un but. Alors qu'au football, la fraction de seconde que l'attaquant va penser à son erreur qu'il a ratée, tu vois, peut-être la balle est toujours dans les pieds du gardien. Il n'a pas encore relancé la balle. Ou bien même si elle est dans les pieds du défenseur. Il y a la balle, donc on passe 10 joueurs pour rentrer dans le but. Et c'est pas pareil au futsal. Au futsal, si tu as perdu une seconde qui t'a pas défendu, tu vas te faire prendre un but par contre-attaque. Donc le rythme et le, comment ça, le changement de voilà, la transition attaque-défense doit se faire très rapidement. La transition attaque-défense doit se faire très rapidement. C'est vrai qu'au Au football, ça se futsal. fait rapidement, mais ouais. C'est vrai, ça. Au football, ça se fait aussi, mais au futsal, ça se fait plus rapidement, là. Parce que le temps est compté, c'est 4 secondes pour jouer. Donc, juste le fait que ton joueur, oh, j'ai raté un but, il s'attrape la tête, bam, la balle est relancée, ça peut être un but. Donc, mon jeu, c'est. Au futsal, c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup plus de technique. C'est beaucoup plus technique. C'est vrai qu'au football, il y a assez technique, mais au futsal. Ça, c'est beaucoup plus technique parce que la base au futsal, comme on me l'a toujours dit, et je dis toujours à mes joueurs, c'est la semelle du pied. Parce que au football, tu vas contrôler la balle avec l'intérieur du pied, ça peut rester toujours proche. Tu permets de prendre une bonne foulée parce qu'il n'y a personne devant toi. Mais au futsal, si tu as contrôlé une balle avec l'intérieur du pied, la balle va rouler très vite et va aller à ton adversaire. Alors que si tu l'as. Position de semelle du pied, la balle reste collée à ta semelle. Tu veux rencontrer deux balles, tu peux jouer. Et il y a cette différence-là. Non, mais surtout mes premiers entraînements au futsal avec une équipe, c'est toujours le mec, parce que tous les joueurs au futsal sont des joueurs qui jouent dans la plupart du temps au football. Donc ils doivent faire cette transition aussi dans la tête, de savoir qu'ils sont au futsal et qu'ils doivent apprendre à contrôler avec la semelle du pied. Donc tous mes premiers entraînements au futsal plutôt, c'est avec la semelle du pied, avec la semelle du pied. Et au fur et à mesure, je mets des séances physiques, des séances techniques, des séances de tir au but. C'est à peu près les mêmes séances au football, mais avec d'autres rythmes, avec d'autres manières de faire. Par exemple, le contrôle de l'intérieur ou de l'extérieur que tu vas faire au football. Au futsal, tu dois faire toujours le contrôle là avec la semelle. Des fois, tu t'oublies, tu fais avec le trait du pied, mais fais toujours avec ta chamelle parce que c'est mieux. C'est une terrasse, c'est pas comme le gazon, il y a tous ces trucs qui rentrent en ordre. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Comment tu... Là, tu l'as abordé un petit peu, mais rentrons un peu plus dans le détail. Ça ressemble à quoi? Moi, franchement, j'en ai de mémoire, je pense pas en avoir vu. Ça ressemble à quoi une séance de futsal, vraiment? Et comment tu intègres tous ces principes-là que tu viens d'énumérer et toutes ces règles dans tes séances? Comment tu les intègres? J'intègre la plupart du temps, par exemple, je vais te donner un exemple simple avec mon équipe de futsal cette année. Parce que j'ai coaché des juvéniles dans un collège, le collège Nouvelle Frontière ici à Hall, au Canada. Et la plupart du temps, ce que je faisais pendant mes séances, j'avais un adjoint que je lui laissais le côté physique. Donc, ça veut dire dès que j'arrive, les premières choses, après l'échauffement de base qu'on avait déjà programmé, peut-être 3 tours de terrain, échauffement rapide, pied levé, talons faits, des trucs de base. Après, il fait une séance physique. Parce qu'on a 1h30 de séance. Donc, on départage ça. La plupart du temps, j'aime faire ça en 4 parties. La première partie, c'est la partie physique que je laisse mon adjoint faire. Donc, on fait une partie physique avec des exercices que je connais, avec des exercices que je regarde en ligne, avec des exercices que j'ai déjà moi-même fait en tant que joueur de futsal. Après cette partie physique-là, on fait des parties avec contrôle de balle où je leur impose la semelle du pied. Je leur impose la semelle du pied. Des fois, je leur impose le nombre de touches avec un espace réduit. Après ça, je peux mettre une séance tactique en place. Comment progresser? Il y a une certaine manière de jouer au futsal. Des fois, tu peux jouer en carré, des fois, tu peux jouer en losange. Comment tu vas animer ta phase offensive? Et moi, j'ai un système encore que j'ai appris en étant joueur de mon coach André Piquet. Et c'est ce même système-là que la plupart de toutes mes équipes futsal ont. Un système offensif à 2, à 4, où on fait possession de balle. Le joueur doit se déplacer quand il fait la balle. L'autre doit venir prendre sa place. Et quand il finit de placer ça, je finis de mettre cette partie tactique en place, quelques techniques. Et dans la technique, je fais des schémas avec tir au but en même temps pour le gardien. Pendant ce temps-là, le gardien s'est déjà échauffé lui seul, ou bien avec mon adjoint, ou bien avec moi. Et après cette partie technique-là, je peux terminer par un match avec un thème. Je peux dire 2 touches de balle, 1 touche de balle. On doit marquer, après 5 touches de balle. Je fais un peu de ça au futsal. D'accord. L'aspect physique au début, Kevin, elle est sans ballon, avec ballon. Et puis ensuite, tu m'as dit, il peut y avoir des exercices, c'est ça, de contrôle du ballon, etc. Est-ce que là, c'est analytique? Déjà, première question, c'est est-ce que la partie physique, elle est toujours pareille? Je pense que non, mais est-ce qu'il y a du ballon ou pas? Et puis, la deuxième partie, c'est dans la partie un peu exercice. Est-ce qu'il y a de l'opposition? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des petits espaces, des grands espaces? La partie physique, la plupart du temps, en premier lieu, je le fais sans ballon. D'accord. Parce que des fois, les joueurs, ils aiment tellement toucher le ballon qu'ils oublient cette partie physique. D'accord. Donc, la première partie de 20 minutes physique, là, je le fais la plupart du temps sans ballon, avec des trucs faciles, des push-ups, courir et venir. Des fois, on fait des morts subites, aller-retour, font des sprints, et une partie physique sans ballon. Et après, la partie technique avec le contrôle de la semelle, je le fais la plupart du temps, des fois je peux le faire en opposition ou avec des schémas. Je vais passer des cônes avec un certain schéma, ils vont faire des comme au football normal, avec des schémas entrées et des slaloms, mais toujours avec la semelle. toujours D'accord. une semaine. C'est des circuits de passe un peu. La semaine. Ouais, les circuits de passe, pareil. Par contre, pareil, les circuits de passe. Ils vont rentrer avec la semelle, ils vont ressortir avec la semelle gauche, avec les deux pieds, tranquillement. Et après ça, la partie tactique. Et la plupart du temps, dans les débuts, je ne fais pas d'opposition. Pour avancer avec la balle et tirer sur le gardien. D'accord. Après, je vais mettre opposition, par exemple, 4 contre 2. Mais c'est avec une partie. La plupart du temps, cette partie-là, je la fais avec le grand terrain. Je la fais avec le grand terrain. Et des fois aussi, il y a des trucs où je fais des exercices où je fais juste opposition avec ballon en surface réduite. Je délimite le terrain en un petit rectangle, un petit carré, où je le mets 3 contre 3 avec un joker ou 4 contre 4, dépendamment du nombre qu'ils sont. Et je les fais jouer toujours avec les mêmes règles. Semelle, tête de touche de balle, jouer face à vous. D'accord. Des petites techniques, comment jouer. Et tactiquement, quels sont tes principes d'entraîneur de futsal? Là, on va faire un petit focus sur le futsal, mais ouais, dans tes séances, dans ta partie tactique, quelle est la s'il y en a, est-ce qu'il y a une philosophie, oui ou non? Et puis toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu recherches dans tes matchs et dans tes entraînements? Et quels sont les aspects techniques que tu souhaites voir justement dans tes séances d'entraînement? Qu'est-ce que tu souhaites que tes joueurs réalisent dans ces moments tactiques? Ouais, dans ces moments tactiques-là, j'aime que quand ils suivent à la lettre ce que je dis. Par exemple, contrôle de la semelle, oui, contrôle de la semelle, fais-le. Ne t'oublie pas, sois concentré, sois intense. Donc, c'est tout ce que je recherche dans ma séance. L'intensité, être à l'écoute et puis appliquer. Être appliqué. Et c'est la même chose qu'on a les matchs. Surtout, l'intensité, ne jamais abandonner, c'est le mot que je le dis à chaque fois. Et comme je le dis toujours, tu peux ne pas être le plus talentueux, le plus technique, mais si tu es le plus intense, tu peux être le meilleur joueur de ton équipe. Surtout au futsal. Au futsal, c'est l'effort qui fait la différence au futsal. C'est l'effort que tu vas répéter là qui va te faire la différence. Non, ah ouais, c'est pas l'aspect tactique, justement, c'est pas l'aspect où. Tu sais comment tu organises ton équipe défensivement et offensivement, j'imagine que c'est un peu différent. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, par rapport au niveau tactique, comme je le disais, le côté offensif et le côté défensif, moi, principalement, j'ai deux tactiques. J'ai deux tactiques, la plupart étant, j'ai deux tactiques offensives et défensives. Et mon côté défensif, je joue en losange. Parce qu'on joue à 4, en losange, ça veut dire un devant, deux sur le côté, et puis un en défenseur, un en fixe. Les deux qui sont sur le côté sont un peu plus proches de l'attaquant. Et ce que je dis toujours à mes joueurs, le plus important, c'est de fermer le milieu. Il ne faut pas que la balle passe par le milieu de dépannement, d'où la balle est. Le premier joueur, l'attaquant, doit se placer de la sorte que le milieu soit fermé. Il ne doit pas se passer devant la balle, mais sa manière de se placer, il doit fermer l'axe. L'axe qui va faire que la balle va passer par le milieu. Donc, il doit fermer l'axe du passe. Il ne faut pas trouver de joueur dans le losange, à l'intérieur. C'est ça, justement, dans le losange. Parce que c'est la zone la plus fragile. Parce qu'une fois qu'un joueur se trouve dans le losange, au milieu, il se trouve face au gardien. C'est mieux que la balle parte sur un côté et qu'on... La balle sur un côté, c'est difficile de marquer un gardien, à part sur une déviation ou bien sur le gardien pas attentif. Et donc, la plupart du temps, défensivement, moi, je dis toujours à mes joueurs de fermer le milieu. Et je joue toujours en losange, en 3 devant, 1 en fixe. Donc, ça veut dire 1.2 derrière la pointe et puis un défenseur. Et c'est toujours comme ça que je joue dans toutes les équipes. Il y a d'autres équipes qui vont jouer peut-être en 2-2 ou quoi, mais ou bien il y a d'autres équipes qui jouent le man-to-man aussi. Le man-to-man, ça veut dire défensivement, tu prends ton homme. Il va à gauche, il va à gauche. Mais comme Marcelo Bielsa. Ouais, justement. Mais ça, je pratique pas vraiment. Pourquoi? Avec mes joueurs en cas de, parce que ça dépend de tes joueurs. Si t'es en face d'une équipe vraiment technique, fait rouler le ballon facilement, tes joueurs vont s'épuiser très rapidement. Si tes joueurs sont pas intelligents, qui courent dans tous les sens. Alors que défensivement, quand tu mets un type de losange en place pour barrer le milieu, si tu as des joueurs techniques comme ils veulent, toi, tu restes concentré, tu suis à l'aise avec le système défensif qu'on a mis en place, ça va être difficile de passer. Et moi, je dis toujours à mes joueurs, premièrement, on ne va pas vraiment les chercher au camp des joueurs qui sont vraiment techniques. On va les attendre au milieu, à la ligne médiane. Dès qu'ils mettent le pied dans notre zone, on les arrache le ballon et on va en contre-attaque. Et on a gagné plusieurs matchs comme ça par rapport à notre système défensif. Lorsqu'on était vraiment au top défensivement, offensivement, c'est sûr qu'on va avoir les touches. Et moi, c'est défensivement d'abord, je demande de respecter le système et être intense jusqu'à la fin. C'est mes deux trucs défensivement que je demande. Et sur les transitions défensives, tu leur demandes quoi? Sur les transitions défensives, mais c'est ça justement, je les demande toujours, parce que la plupart du temps, quand on s'en va offensivement et qu'on perd la balle, la plupart du temps, des fois, il y a des joueurs qui vont avoir tendance à presser directement pour reprendre la balle. Non, moi, je ne demande pas ça la plupart du temps. La plupart du temps, si, lorsque tu sais que tu es capable de récupérer la balle dès que tu l'as perdue, ok, vas-y. Mais si tu as perdu la balle, ton adversaire récupère la balle, il fait une passe vers l'arrière, vers un autre joueur, ça ne sert à rien de partir vers la balle. Et place-toi pour fermer encore le milieu, c'est le plus important. Comment savoir que tu peux la récupérer la balle? Mais si on me contrôle, je dis, et puis je dis toujours à mes joueurs, et la plupart du temps, j'ai eu quand même cette difficulté avec mes équipes, surtout mes juniors de cette année, mais vers la fin, ça a quand même été bien. Mais je leur ai dit, les gars, on ne va pas vous dicter le jeu à la lettre. C'est vrai que je vous dis de respecter le système défensif et tout, mais si tu vois une mauvaise passe, que tu vois que ton adversaire, il a fait un contrôle de la chemelle, que la balle est en train de lui filer entre les pieds, c'est pas à moi, je vais te dire de foncer sur la balle. Vas-y, fonce sur la balle. Donc, des fois, tu perds la balle, mais tu vois que le gars, il a fait une mauvaise balle, ou bien il est en difficulté, et tu continues à presser. Mais si tu vois que il a récupéré la balle, qu'il s'est démarqué de toi, il a fait une passe, là, tu sais que tu es intelligent pour savoir qu'il a fait une passe, il est trop au milieu, il va pas chercher la balle, il vient fermer le milieu. Et tes joueurs sont là pour te le dire. Ils vont dire, ah, Kevin, descend, ferme le milieu. Et donc, c'est la transition là doit se faire comme ça. Soit tu sais qu'il doit récupérer la balle, tu peux la récupérer, tu la presses. Soit tu sais que le gars, il s'est démarqué de toi, il t'a échappé entre les mains, la balle est plus à ton niveau, va pas presser. Parce qu'il donne la passe à l'autre joueur, toi, tu essaies de partir sur la balle alors que tu as laissé ton milieu. Dès qu'il se démarque de toi, il fait la passe à un autre joueur, toi, déplace-toi à ta position. C'est le plus important dans mon système défensif et c'est ce que je demande. Et offensivement alors, comment ça se passe? Offensivement, je change le système. Parce que défensivement, je suis en losange. Mais offensivement, je change le système. Je le mets en 4. Ça veut dire en 2-2. D'accord. En 2-2, ça veut dire 2 sur les côtés. Et je vais te montrer un exemple simple. La balle va partir de mon gardien. Il va faire la passe au joueur qui est sur, par exemple, sa droite. Le joueur qui est sur sa droite va donner la balle à son côté opposé, qui est le joueur qui est en face de lui, à la gauche du gardien. Et le joueur qui a donné la balle, lorsqu'il finit de donner cette balle-là, il va passer par le milieu pour donner une option de la balle. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. Et pendant ce temps-là, le joueur qui est sur le même côté du joueur qui vient de se déplacer au milieu va reprendre sa place. Donc, il y a une certaine transition. Et le joueur qui a la balle maintenant, s'il peut la faire, la passe au milieu, il la fait. S'il ne peut pas la faire, il recommence pareillement. Il fait la passe au joueur qui est en face de lui. Le joueur qui est en face de lui reçoit la balle, se met, il la contrôle. Le joueur qui vient de faire la passe, il passe par le milieu. Pendant ce temps qu'il passe par le milieu, le joueur qui était sur sa même ligne descend pour venir prendre sa place et lui, il prend la place du joueur. Donc, offensivement, c'est ça. Il faut faire la passe, il faut bouger, il faut créer une option au milieu, il faut prendre la place au côté opposé, le côté qui est vide. Donc, c'est tout ce que je dis à mes joueurs. Les gars, au futsal, offensivement, on doit bouger. Quand tu fais ta passe, bouge. Normalement, ton ami, ton coéquipier, il va venir prendre ta place. S'il ne prend pas ta place, dis-lui, hey, mon ami, va prendre ma place, on bouge, on crée de l'espace. Donc, c'est en bougeant que tu vas créer de l'espace, tu vas donner l'opportunité à ton coéquipier de bouger. Et avec ce système-là, on fait des passes, on avance. Et offensivement, quand tu as des 1 contre 1, tu la joues. Quand vous êtes 2, vous la jouez, vous la frappez, puis ça peut aller dans les buts. Donc, c'est comme ça. Moi, mon système de base offensivement, c'est ça. Et la passe, tu fais la passe à ton côté opposé, tu rentres par le milieu pendant ce temps-là. Ton joueur qui était sur la même ligne que toi va descendre prendre ta place. Et si dessus, vous bougez, vous essayez de faire monter le bloc vers l'avant. S'il y a une possibilité de dribble, vous pouvez aller. S'il y a une possibilité de jouer sur la ligne, tu peux la jouer et puis vous allez offensivement. C'est comme ça que je fais mes séances offensives. Et maintenant, il y a des séances offensives de contre-attaque que je prépare pendant les matchs de 2 contre 1, des 3 contre 2. Et des fois, la plupart du temps aussi, je ne prépare mes séances de football par rapport au match qu'on vient de jouer. Si on avait déjà joué contre cette équipe, si cette équipe est offensivement, elle est solide. Si on ne doit pas l'attaquer, si on ne doit pas la presser, ou par rapport à l'équipe contre qui on joue, on doit prendre aussi des séances. C'est comme ça que je fais un peu. D'accord, ok. Et faisons un peu la transition maintenant avec le football à 11. Juste pour faire la transition, est-ce que comment dire, quels sont les ingrédients qui peuvent être intéressants pour un joueur de futsal d'intégrer au foot à 11? Quelles sont les choses que toi, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, tu penses que qui pourraient être utiles à des joueurs de football à 11 ou à un entraîneur de foot à 11 comme moi? Quelles sont les choses à aller chercher un peu dans le... Quelles sont les choses, que les ingrédients que tu vas chercher dans le futsal et que tu amènes dans le football à 11? Je peux parler quand même de l'intensité puis de la transition rapide. D'accord. C'est vrai qu'au football à 11, il y a ça, il y a l'intensité. Mais vu qu'au futsal, la transition est vraiment rapide et tu cours à chaque fois d'un bord à l'autre, cette intensité-là, tu peux aller la rechercher. Tu peux aller la rechercher au futsal. Et il y a aussi la technique qui se développe parce que s'en sortir dans un endroit réduit, tu vois que c'est quand même plus difficile de s'en sortir dans un grand espace. C'est pourquoi même au football, à 11, quand on ne peut pas les séances, on ne peut pas les séances des fois dans des endroits très réduits. Et au futsal, le terrain est déjà réduit. Donc, la technique qu'un joueur de futsal va développer en sortant de cette zone réduite, quand il aura un grand espace, il va pouvoir exploser. Donc, il y a ça que on peut aller rechercher au futsal. Il y a cette intensité-là, il y a cette manière de s'en sortir dans des zones réduites. D'accord. Que je peux dire. Et je pense que ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, vas-y, je suis curieux maintenant. Maintenant, ça doit faire 3 ou 4 ans que tu entraînes en foot à 11. Ouais. Comment t'as progressé, comment tu t'y es pris pour continuer à évoluer, et puis maintenant, l'entraîneur que tu es, comment tu fais pour préparer tes séances, et puis à quoi ressemblent tes séances maintenant? À quoi ressemblent mes séances maintenant? Je veux dire que j'ai quand même appris beaucoup. Par exemple, dans les débuts, je préparais mes séances en papier, à écrit, à vraiment à être structuré sur papier. Mais la plupart du temps maintenant, et quand je dis vraiment structuré sur papier, je dessinais là, je dessinais des bonhommes, des terrains, je dessinais tout là, ce que je devais faire aux pratiques et tout. Mais au fur et à mesure que j'ai évolué, il y a des exercices qui restent en tête. Juste avant les entraînements, quand tu prépares tes séances des jours avant l'entraînement, je fais des grandes lignes. Qu'est-ce que je dois pratiquer avec les joueurs aujourd'hui? Et ces grandes lignes-là, je les mets sur papier. Je développe ça dans ma tête. Si je dois regarder des vidéos par rapport à des séances, je regarde les vidéos par rapport à ça. Et puis au fur et à mesure, je développe. Mais c'est comme je dis, c'est quand même un peu plus dans la tête maintenant. C'est plus sur papier, parce que j'ai déjà acquis tout ce que j'ai mis sur le papier dans la tête. Et je vais en fonction du match, des ressentis des joueurs et de comment je dois aborder le match. C'est un peu comme ça que je prépare plus mes séances. D'accord. Qu'est-ce qui te semble essentiel, toi, maintenant, dans tes séances? comment tu planifies tes séances? Comment tu dis, bah, je récupère un peu de ce qui se fait en match? Ouais, est-ce que tu suis une planification? Comment tu prépares tes différentes séances? Est-ce que, par exemple, il y a aussi, comment dire, est-ce qu'il y a une, si tu as deux séances dans la semaine, est-ce qu'il y en a une qui a plus, tu fais plus un focus, je sais pas, sur l'aspect technique et un sur l'aspect tactique? Comment tu t'organises? Ouais, mais par exemple, bon, je vais prendre l'exemple d'abord du football, vite fait. Au football, avec l'équipe de l'été que j'ai depuis plus de 3 ans maintenant, il y avait une certaine évolution. Donc, par exemple, au début, j'apprenais les passes, la base et tout. Quand je suis monté en U14 avec elle, j'ai appris d'autres choses, par exemple, plus la conduite de balle, le contrôle, l'intensité. Après, la saison qui a suivi en D1, U14, il y a un peu plus l'intensité, à mettre le pied, à ne pas avoir peur de la balle et tout. Et par exemple, cet été, par exemple, je peux voir un peu plus de technique, un peu plus de possession, même si l'été dernier, dès la fin, j'ai entamé plus de possession, mais cet été, il y a un peu plus de possession qui va aller, un peu plus d'avoir la balle dans les pieds, à construire le jeu, à structurer le jeu. Donc, il y a quand même je peux dire, une échelle qu'on a grandi ensemble. Et au foot, ça, c'est quand même pareil. C'est quand même pareil. La plupart du temps, par exemple, cette saison avec mon mec juvénile, j'avais deux jours de pratique en semaine et des fois un match là-dessus. Et donc, je sais qu'il y avait le lundi et le jeudi. Le lundi, si c'est plus physique, je lui ai dit par exemple, on va faire plus physique et puis quelques exercices de conduite de balle ou de circuit, de passe et tout. Et la deuxième pratique, on va faire plus de transition avec les attaques rapides, des tirs sur le gardien, avec plus de ballons, plus de ballons, plus de séquences de jeu. Donc des fois, la plupart du temps, c'est comme ça que je fais. Et des fois aussi, si par exemple je sais que je vais jouer contre une équipe avec qui j'ai déjà noté certains points qu'on devait travailler, donc le week-end là, ça va être dédié vraiment à comment jouer contre cette équipe. Je prends l'exemple de simple. Nous, notre équipe, c'est le collège Nouvelle Frontière. On va jouer par exemple contre l'équipe de Montbleu, qui est un autre collège ici à Gatineau, à Hall. Et donc, cette équipe-là, quand on a joué contre elle au début, c'est difficile de l'arracher là-bas parce qu'ils sont plus techniques. Et donc, le match qu'on va jouer contre eux prochainement, la pratique avant, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas tomber dans le piège d'aller se jeter vers eux pour qu'ils nous passent très facilement en une, deux passes? Comment attaquer contre cette équipe? C'est là maintenant, je vais dire, bon, les gars, contre cette équipe-là, on doit défendre comme ça. On doit les attendre. À un moment donné, c'est si on est prêt défensivement, s'ils rentrent dans notre zone, si on joue intense avec eux, si on met le pied quand ils veulent tirer, si on fait ci, on va arriver. Donc, la séance que je vais pratiquer, qu'on va faire avant ce match-là, elle sera plus intense, elle sera vraiment dédiée à ce qu'on doit faire contre cette équipe-là. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, des fois, c'est une séance physique, conduite, chemin et circuit. Et une autre séance, c'est action rapide, vers l'avant, contre-attaque, transition rapide, tissu le gardien. Et une autre séance qui doit se préparer pour jouer un match, ça se fait contre. La science se prépare par rapport à l'équipe en face. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et tout à l'heure, tu as découpé un peu ta séance en futsal. Tu as dit qu'il y a une partie un peu physique, un peu plus technique, puis un peu plus tactique. Comment tu t'organises en foot? Ça ressemble à quoi une séance préparée par Kevin? Ouais, Au bah, football. je sais que toutes les séances sont différentes, hein, on s'entend bien, mais s'il y avait un peu une structure comme tu l'as détaillé tout à l'heure en futsal, ça ressemblerait à quoi en foot à 11? Mais au foot à 11, je faisais presque pratiquement pareil, parce que même c'est du foot à 11 que j'ai commencé, ce découpage-là, et que je suis venu au futsal. D'accord. Parce qu'il y avait déjà des. Il y avait, au foot à 11 aussi, mes pratiques c'était des 1h30, et j'ai découpé presque pareil. Au début, on faisait l'échauffement. Après l'échauffement de base, je vais faire un échauffement avec et sans ballon, qui va peut-être durer 15 à 20 minutes avec plusieurs, comment on dit ça, avec plusieurs thèmes à Variante. l'intérieur, avec plusieurs Ouais. variantes, voilà, Bien sûr. avec plusieurs variantes à l'intérieur. Après ça, je faisais peut-être la partie technique. La partie technique, comment bouger le ballon, comment faire partir le ballon d'un côté à un autre, comment faire passer le ballon par le milieu. Après ça, je pouvais faire la. Pendant cette partie aussi, je faisais des circuits, des passes, des contrôles de balle dans la partie technique, comment conduire un ballon, comment faire une bonne passe, comment faire un bon centre. Après ça, je passais à la partie tactique, où je montrais comment défendre, à quel moment il faut presser, à quel moment il ne faut pas presser, à quel moment il faut se jeter. Dans la partie technique aussi, je montrais comment on pouvait attaquer offensivement, comment être utile en jouant. Si je sais que cette joueuse-là, qui est rapide, je vais lui mettre la balle dans sa course. Je peux lui mettre la balle dans ses pieds pour qu'elle se retourne. Il y a toute cette partie-là qu'il faut pratiquer tactiquement. Et vers la fin, ma quatrième partie, je faisais des fois, je terminais la plupart du temps par un match. Par un match avec thème, comme d'habitude, avec peut-être deux touches de balle, ou bien on doit marquer après 11 passes, avec un tiré réduit des fois, avec des buts qui peuvent être sur chaque côté, on pouvait faire du stop ball. Ça dépendait, comme tu l'as dit, ça dépend Ouais, vraiment bien sûr, bien sûr. de chaque séance. Rentrons un peu plus dans Et les c'est plus détails. ça. Qu'est-ce que, un peu comme tout à l'heure, le futsal, qu'est-ce que tu attends de tes joueurs ou tes joueuses, tactiquement, défensivement? Quelles sont les choses que tu essayes de mettre en place, à l'entraînement? Mais ouais, défensivement, surtout avec. Parce que 11 contre 11, je pense pas que j'ai. Je pense pas que j'ai encore eu une aventure avec des garçons, 11 contre 11. D'accord. Mais mes aventures avec les filles. C'est pas parce que ce sont des filles, mais la plupart du temps, quand la balle venait au-dessus sur les têtes et tout, elles avaient un peu peur de la balle. Mais il y a l'âge aussi qui fait. Donc, au lieu de mettre la tête, elles mettaient, par exemple, la Le main. genou. Elles se protégeaient et tout. Et donc, ça, dans les débuts, c'était quand même un peu difficile. On prenait des fautes comme ça. Mais au fur et à mesure, il faut leur apprendre à enlever cette peur. Donc, défensivement, déjà, surtout dans les balles aériennes, je leur montrais que, ouais, les filles, c'est vrai que c'est une balle, elle est dure, ça vous fait mal, mais c'est, comme je le disais, des fois, je les taquinais, je dis, mais c'est juste un rouge, ça va vous donner. Parce qu'elles disaient, j'ai un bleu, je dis, bah non, c'est rien, c'est un rouge, ça va vous donner, c'est rien. Moi aussi, des fois, j'ai des jaunes et tout, ça passe. Donc, j'ai les techniques comme ça avec, pour, si tu le disais, en s'amusant, en les taquinant comme ça enlève une certaine peur en elles. Et des fois, je peux leur dire, bon, n'ayez pas peur de la balle, bon, on va donner un exemple. Allez, mettez-vous, coup franc, c'est moi, je tire, je vous mets dans le mur. Elle tout de suite se met dans le mur, je fais semblant de tirer fort, je tire doucement, la balle, elle tape un peu, elle met les genoux, je vais leur apprendre, voilà, quand la balle vient, quand tu sais que c'est au-dessus de toi, recule, mets pas la main, mets le genou. Donc, c'est comme ça, j'ai appris à plusieurs filles à mettre le genou, à ne pas avoir peur de la balle, défensivement, à être prête, à savoir que quand une fille est du dos, elle ne doit pas se tourner, faites-la retourner dans son camp. Quand vous voyez qu'elle va faire un mauvais contrôle, allez-y sur elle. Quand la balle est. Vous devez aller au duel, quand la balle est en l'air, quand une fille va là-dessus, allez-y. Parce que si une fille est capable d'aller sur une balle, c'est que toi, tu es sa camarade, tu dois aller sur cette balle aussi. Et je leur disais ça défensivement, n'ayez pas peur, les filles. Parce que vous jouez avec des personnes de votre âge. Si elle n'a pas deux têtes, elle n'a pas quatre pieds. Donc, si elle était capable de mettre la tête, toi aussi, tu es capable de mettre la tête. Si elle était capable de mettre son pied, son genou, tu es capable de mettre son genou. Et c'est comme ça que je faisais apprendre aux filles défensivement à être solides, à ne pas avoir peur déjà de la balle. Et à défendre tous ensemble, à venir aider surtout les attaquants à savoir que vous venez, vous devez venir aider les défenseurs. Et c'est comme ça, défensivement, je les préparais d'abord mentalement surtout. D'accord, il y a vraiment une Mentalement barrière, il y a vraiment une appréhension Oui. à casser pour Après souvent. l'aspect défensif par Oui, rapport au ouais, contact, que ce soit avec le ballon ou que ce soit avec les autres adversaires. c'est ça, justement, il faut casser déjà cette barrière-là D'accord. mentalement. Donc c'est cette barrière-là que j'ai quand même, je pense que j'ai réussi à casser d'ici au fur et à mesure que les années ont suivi, les saisons ont suivi, parce que c'était quand même à peu près les temps, les mêmes filles, et par rapport même à les pratiques, au fur et à mesure que les pratiques ont suivi, cette barrière est descendue, parce que j'avais des filles qui n'arrivaient pas à mettre là, à chaque fois que la balle venait, elle se tournait, elle mettait le dos et s'abaissait, mais maintenant là, elle met même la tête là. Et je les apprenais aussi à jongler de la tête là, donc je dis, écoute, la balle là, c'est ton ami. C'est pas quelqu'un qui a tiré sur toi. Lance-toi la balle en l'air, tape de la tête, tu vas voir. Je lui montre, tu sais que quand la balle vient, serre tes dents, frappe la tête. Si tu peux pas mettre la tête, recule, mets le genou vers la poitrine, ou bien tourne-toi, mets le dos. Surtout quand tu es dans le mur, va te faire mal, mais tu sauves ton équipe. Faut avoir cette mentalité de, t'es venu jouer, tu vas pas te faire prendre un but, sauve ton équipe en mettant une partie qui va te faire moins mal. Si ton visage, ça te fait moins mal, saute, mets le dos. Mais le genou, ça va te faire moins mal. Donc, il y avait cette barrière à casser d'abord. Et après, on pratiquait à défendre, défensif, à défendre. La fille, elle est de dos, elle ne doit pas tourner. Si elle se tourne, elle est dangereuse. Si tu vois qu'une fille veut tirer, recule pas. Fonce sur la fille. Recule pas. En plus que tu recules, tu lui donnes le temps de réfléchir, de lui donner de l'espace. Donc, défensivement, c'est comme ça. Et Et offensivement, alors, comment ça se passe? offensivement, comme je disais, la plupart des cas, je me servais de mon potentiel. Je savais que je jouais avec un système, avec des ailiers en avant, je mettais des filles qui savaient vraiment, qui c'était des gazelles. Là. Elles couraient comme, j'avais même surnommé une bibi. Il y avait un dessin animé, je sais pas si tu te rappelles, sur Cartoon, je sais pas si tu as regardé ça, ouais. L'animal qui fait des bibi. Je sais pas c'était quel animal encore là. Il fait bibi, il est parti là, voilà. Donc. Elle, c'était son surnom, là. Je lui donnais un cri de guerre. Quand elle avait la balle au pied, dès que je disais bip bip, elle savait qu'elle devait accélérer. Elle était partie. Dès qu'elle a la balle, je dis bip bip bip bip. Elle accélérait, elle dépassait tout le monde. Elle avait Puis compris, quand, elle connaissait la référence, tu lui avais montré? ouais, connaissait ouais, je lui avais montré la référence, c'est sûr, certain. Là, je lui avais montré, je dis, regarde, bip bip, c'est lui. Si tu le connais pas, regarde ce qu'il fait. Toi, à chaque fois que tu as la balle, ou bien tu vois une joueuse à la balle, que je dis bip bip, c'est qu'il doit commencer à prendre de l'avance, la balle va t'arriver. Donc, on formait des tactiques par rapport au potentiel qu'on a. On faisait des possessions, offensivement, on faisait des jeux avec des possessions de la balle, avec des touches de balle. J'apprenais à mes défenseurs, d'abord à ma gardienne, à relancer au pied, parce que des fois, j'avais des gardiennes qui ne pouvaient pas relancer jusqu'au milieu. Donc, si elles n'arrivaient pas à relancer au milieu, s'il y a un défenseur qui peut relancer jusqu'au milieu, je disais à mon défenseur de dégager. Quand des joueuses, une équipe joue très haut, nous presse déjà nos 20, nos défenseurs, de relance, je donne à ma défenseuse, dégage bien la balle. Sinon, si une équipe ne nous attaque pas, ne nous presse pas haut, je dis à ma gardienne, joue avec tes défenseurs, mais toujours sur le côté. Parce que si tu mets au milieu, quand on se fait prendre une balle, comme d'habitude, c'est pareil au foot, ça, le milieu, c'est le plus difficile, c'est dangereux. Donc, on joue sur le côté, on essaie de faire partir la balle sur le côté. On fait partir la balle. Je faisais un exercice spécial pour montrer d'où la balle doit partir. Oui, la balle part du côté. S'il y a une joueuse au milieu qui vient, elle décroche. Si elle peut se tourner, elle se tourne. Si elle peut pas se tourner, elle joue face à elle, elle revient derrière. S'il y a une joueuse sur le côté, tu joues au côté, on remet la balle au milieu et on joue avec la profondeur, avec nos ailiers qui savent courir. Donc, offensivement, on préparait des séances par rapport à ça. On préparait par rapport à ça. On jouait la balle. Je lui ai dit, n'ayez pas peur. Quand tu as la balle, tu sais jouer balle au pied, vas-y, t'as l'espace devant toi. Tu peux jouer, joue, ta joueuse est là, joue. Tu as un contre un que tu peux dribbler, vas-y, dribble. Donc, je préparais toutes ces séances-là par rapport à ça, au potentiel qu'on L'idée, avait en avant ok, l'idée et c'est de mettre les joueuses dans les meilleures dispositions par Oui, rapport à leur justement. qualité. À la qualité, ouais, c'est ce que je faisais D'accord. la plupart du temps. Et c'est pourquoi j'ai dit, au fur et à mesure qu'on avançait, j'essayais de mettre des trucs en place pour qu'elles se sentent à l'aise et tout. Comme l'été dernier, j'ai essayé de faire plus la position de balle avec tout le monde. Essayer de ne pas avoir peur de garder la balle. Si on se fait prendre un but, c'est pas grave. Mais si le but est passé, on a fait 5 passes, on fait avancer le bloc, page toujours 1 passe, 3 passes, puis on dégage vers la joueuse qui est la plus rapide. Mais plus la position de balle, plus faire rouler pour que tout le monde participe au jeu, pour que tout le monde se sente concerné par rapport à la position de balle. Ne dis pas que toi, ton rôle, c'est juste de défendre. Là. Non, tu dois savoir faire monter la balle, savoir faire jouer la balle. Donc, c'était un peu ça. Par rapport à ça, Kevin, toi, tu as dû progresser en tant qu'entraîneur. Est-ce que tu te souviens est-ce que tu te souviens ou tu te souviens, ou peut-être que tu vis encore? Est-ce qu'il y a des trucs, notamment parce que ce sont des joueuses, donc des femmes, mais aussi parce que elles ont été des joueuses débutantes. Est-ce que tu te souviens qu'il y a des trucs, il y a des exercices que tu aies pu mettre en place qui n'ont pas du tout marché parce que c'était des filles et que c'était des parce que tu as dit bon voilà on apprend plus facilement en s'amusant. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as mis en place qui n'ont pas du tout marché, des trucs qui ont très bien marché? Ah oui, il y a toujours des trucs qui ne marchent pas et puis il faut arranger. Il y a des trucs que des fois des joueurs comprennent moins. Et tu l'as dit, les filles ici, je vous montre ça, c'est parce que je suis passé par là. Parce que j'ai eu plusieurs exemples, surtout pas avec les plus jeunes. Après, avec les plus jeunes, c'est quand même des fois facile parce qu'ils vont t'écouter, mais avec les plus grands, parce que je pense à l'équipe de futsal féminine de la cité collégiale. Et avec elle, c'était quand même un peu plus difficile de leur montrer des exemples. Par exemple, j'avais mis un exercice en place avec beaucoup de variations. Mais on commençait avec la variation à la main. Et des filles vont te demander, mais Kevin, on joue au foot seul avec le pied, pour qu'on joue à la main. Et tu dois les faire comprendre que oui, c'est vrai que c'est avec les pieds on joue, mais c'est une variation avec la main. Ça va vous permettre de bien comprendre l'exercice, à bien occuper l'espace, à faire ci, à faire ça. Il faut bien les expliquer pourquoi tu les amènes à faire cette chose. Et après, tu les amènes au pied et puis tu leur dis, bon, voilà, vous avez compris à la main. Et voilà qu'au pied, ça va tranquillement. Parce qu'à la main, des fois, je montre un exercice simple. Je dis, on joue une position à la main. Mais à chaque fois que tu as la balle en main, tu dois stopper. Donc, il faut des déplacements, mais une fois que tu as la balle en main, tu stops. Et on voit, quand tu stops, on voit le positionnement des autres, on arrange et on évolue par rapport à ça. Et maintenant, quand tu mets la variation avec le ballon au pied, que tu ne fais pas de stop, ça va mieux. Et je l'ai dit, vous voyez les filles, vous n'avez pas compris l'exercice avec la main, mais avec quand je vous ai expliqué que vous avez bien fait, avec le pied, ça a mieux été. Et c'est comme ça, il faut comprendre, il faut faire comprendre. Même si elles ne veulent pas le faire bien, elles se disent que c'est pas bien, il faut les faire comprendre que ça a un but précis. Et que c'est pas parce que vous n'allez pas le faire bien. C'est parce que des fois, elles ne se sentent pas capables de le faire. La première fois, elles se disent, oh, je ne suis pas capable. Je dis non, je ne dis pas que tu n'es pas capable. Comme par exemple, je mettais des exercices de jeu de tête. Elles font une tête, deux, elles disent, oh non, je ne suis pas capable de me faire trop mal à la tête. Je dis non, ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable. Essayez de le faire et ça va aller. Si tu fais cette tactique-là, ça va marcher. Donc, il y a plusieurs exercices, surtout même avec les plus jeunes aussi. Ils se demandent, Kevin, pourquoi on fait ça? Je dis, mais parce que ça va servir à quelque chose. Il faut faire ça. Donc, je me rappelle que, par exemple, un exercice de possession de balle. Que dans le début, quand j'avais commencé les positions de balle, elles ne comprenaient pas trop le but de ça. Ils se regroupaient tous ensemble. Il y a d'autres qui discutaient, il y a d'autres qui parlaient. Mais j'ai compris que je devais peut-être agrandir le terrain, les faire comprendre pourquoi je fais ces exercices-là, pour l'occupation de l'espace, pour ça. Et une fois que tu les fais comprendre ça, une fois que tu te mets dans le bain, une fois que tu t'amuses avec elles en leur montrant ça, une fois que tu te mets à la pratique, une fois que tu joues avec elles, avec le ballon, toi-même tu es le joker, toi-même tu joues avec une équipe, toi-même des fois tu dribbles les joueuses, tu les fais rigoler, tu les fais tourner, elles te poursuivent avec la balle. Une fois qu'elles prennent goût à s'amuser avec ça, elles comprennent par la suite le but de les laisser. Donc c'est comme ça que je faisais à chaque fois. D'accord. Et justement, essayer de trouver encore des comparaisons. Toi qui as entraîné des garçons et des filles, est-ce que, et notamment bah, dans du foot, notamment pour dans le cadre de deux disciplines un peu différentes, le foot à 11 et le futsal, est-ce que tu vois des différences dans ta façon? Est-ce que tu arriverais à dire, bah non, j'entraîne pas les filles comme les garçons, ou non, c'est un peu différent, ou parce que c'est pas le même public? Oui, des fois. Des fois, tu peux faire des trucs facilement. Vu que tu es un garçon, tu peux faire des trucs facilement avec des garçons que tu ne vas pas pouvoir faire facilement avec des filles. Et ça dépend aussi de l'âge. Ça dépend aussi de l'âge. Tu dois tiens, c'est une manière de parler avec des filles de 12, 13 ans qu'avec des filles de 18 et 17 ans. Ou avec des filles de 12, 13 ans qu'avec des garçons de 14, 16, 15 ans. Par exemple, moi, avec des garçons, je peux facilement... Parce que surtout les juveniles, là, ce sont... Comme je dis là, ma manière d'être avec... ma façon d'être avec eux les rend un peu à l'aise. Donc, c'est un griffe, mes petits frères, c'est un griffe, mes amis. Pardon? Ils vont faire une erreur et puis, je dis, ma manière d'être avec eux, c'est comme si ce sont mes amis, c'est comme si ce sont mes petits frères. Donc, avec tes petits frères, tu peux lui donner une tapette vite sur l'épaule ou bien sur sa tête. Oh, t'as mal fait ça, là, t'as tiré comme ça, là. Tu peux le taper vite avec le pied en t'amusant pas vraiment pour le frapper, mais juste le taper pour dire, oh, t'as mal fait comme ça, là. Si, comme ça, là. Ou bien tu peux le taquiner en disant, oh, toi, ton pied est penché. Si tu dis à un garçon de 16 ans, de mes juvéniles, que ton pied est penché, il va commencer à rigoler, il va dire, oh, qui vient tomber ton pied est penché. Alors que si tu dis ça à une petite fille de 13 ans ou 14 ans, toi, ton pied est penché, elle va penser en mal, elle va dire, c'est rabaissant. Donc, il y a certaines manières de parler avec les filles qu'avec des garçons à un certain âge. Mais c'est plus l'âge que je vais dire. Sinon, ma manière de faire avec les filles et les garçons, ça peut être différent, peut-être des fois, dans l'intensité aussi. Dans l'intensité, tu ne peux pas demander la même intensité à une fille de 14 ans que la même intensité à un garçon de 16 ans. Donc, c'est l'âge, en même temps, le sexe qui va agir. Mais moi, je pense que c'est les deux à la fois qui me font agir. Comme ça, mais... D'accord. Il y a des trucs que tu fais... Il y a des trucs que tu fais, je ne sais pas, dans ta manière d'entraîner, il y a des trucs que tu fais uniquement avec des garçons et uniquement avec des filles? Uniquement, je veux dire quoi? Je pense que c'est de ma manière peut-être de parler, je vais te dire. Les mots que j'emploie, les thèmes que j'emploie... C'est un peu différent quand même. Oui, c'est un peu différent. Avec les garçons, peut-être je vais être un peu plus relâché. Avec les garçons d'un certain âge, je vais être un peu plus relâché. Je vais dire des mots terre à terre pour qu'ils comprennent, des mots dans leur manière de faire, dans leur manière de parler entre eux, les mots qui se taquinent avec. Alors qu'avec des filles, tu ne vas pas dire pareillement. C'est un peu ça, c'est normal. Le coaching aussi, je peux dire par rapport à l'intensité. Mais c'est comme je le dis là, c'est par rapport à l'âge. D'accord. Okay. Avec mes juvéniles de 16 ans, l'intensité, je vais la pousser jusqu'au bout là. Même qu'il ne peut pas, je vais le pousser jusqu'au bout. Et avec une fille de 14 ans ou 13 ans, qui me dit, ah Kevin, j'ai un bobo là, j'ai un jaune là, j'ai un bleu là, je vais lui dire, ah, ok, pose-toi deux minutes. Mais avec mon gars de 16 ans, que je sais qu'on est un match très important, qui vient, je vais lui dire, oh mon gars, tu dois faire ton effort là, continue à travailler là. Je vais lui dire, mon gars, tu ne travailles pas là, je ne vais pas te mettre, tu ne vas pas jouer, tu vas jouer juste deux minutes. Mais avec la petite de 14 ans, tu ne peux pas lui dire ça. Donc des fois, l'attente est grande, des fois avec un certain âge qu'avec d'autres. Avec mes jeunes de 14 ans, oui, des fois l'attente est grande, mais je peux le comprendre. Mais avec les jeunes de 16 ans, la tombe va être plus grande et je vais les comprendre aussi si ça n'est pas arrivé, mais ils doivent faire plus d'efforts, c'est comme ça. Des fois, tu peux tolérer le moins d'efforts avec plus de 14-13 ans, mais avec les jeunes de 16 ans, tu ne vas pas tolérer cet effort-là. Donc, c'est un peu plus l'âge et tout qui fait ça. Ok, merci Kevin. On va s'approcher doucement de la fin. Je sais qu'il commence à être un petit peu tard au Canada quand même. Moi, j'aurais deux dernières questions à te poser. Parfait. La première, ce serait comment tu fais toi, Kevin, pour continuer à progresser en tant qu'entraîneur? Comment tu fais pour continuer à te former? Ok, premièrement, quand on continue à passer comme entraîneur, par rapport à moi-même, je continue par exemple d'apprendre de mes coachs parce que je suis joueur, donc je continue d'apprendre visuellement de mes coachs, de ce qu'ils font, que ce soit au 11 contre 11, que ce soit au futsal, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir au futsal et au 11 contre 11 de deux grands entraîneurs pour moi qui m'ont fait rêver. Au 11 contre 11, j'ai eu Sylvain que tu connais, Très bien, oui. qu'on a donné le surnom du Pep Guardiola de Gatineau. Et j'ai eu la chance au futsal d'avoir André-Pierre Lorrain, qui est aussi un grand entraîneur au futsal. Moi, ce sont mes deux références à ce niveau ici que je connais parce qu'ils m'ont coaché leur manière de faire. J'ai appris d'eux, de leur façon de faire, de leur pratique, de leur manière d'être avec les gens. J'ai appris d'eux. Et depuis un certain moment, je le dis, mais peut-être c'est le temps qui fait parce que il y a tellement plusieurs activités au Canada avec l'école que je faisais, avec le travail, avec les activités, avec le foot, avec les entraînements et tout. J'avais plusieurs fois dit ça, mais je pense que je suis prêt maintenant. Et puis, très prochainement, même, je vais commencer à faire mes licences d'entraîneur. Parce que c'est bien d'entraîner dès 1, dès 2, mais il faut quand même gravir les échelons. Et puis, pour aller dans des divisions supérieures, il faut quand même des diplômes. Et je compte très prochainement m'inscrire pour avoir mes diplômes d'entraîneur et pour aller le plus loin possible, avoir la première licence d'abord, ensuite pour la licence régionale et nationale et pourquoi pas plus haut. Et je ne vais pas me fixer de limites et je vais aller le plus haut possible par rapport à ma formation d'entraîneur. Continuer à visualiser en ligne parce que l'Internet nous aide beaucoup maintenant là. Internet, les réseaux. Il y a YouTube où tu peux prendre des vidéos de formation, des exercices et tout. Donc, par rapport à moi-même d'abord, personnellement, ce que je vais faire, c'est ça, de continuer à m'informer, personnellement sur les réseaux, sur Internet, et par la suite continuer ou bien commencer et continuer à apprendre à ma formation pour mes licences d'entraîneur. D'accord. Je pense que tu l'as déjà un petit peu abordé, mais je vais quand même essayer de la poser parce qu'on ne sait jamais. Mais je pense que tu as un peu répondu à la question. Ma dernière question, Kevin, pour toi, c'est est-ce que durant ton parcours, parce que j'aime poser cette question à toutes les personnes avec qui j'ai cet échange, est-ce que durant ton parcours, il y a eu des mentors? Et quels impacts ils ont eu sur toi? Ah oui, c'est ça, Et quand même, c'était deux grands mentors. Ouais. Et je veux pas oublier le troisième qui me parle actuellement. Parce que tu as été mon coach aussi avec la saison l'une de mes plus belles saisons de football que j'ai fait avec toi. Je peux pas l'oublier parce qu'on a commencé ensemble. J'ai été avec toi à la réserve avant de monter avec Sylvain. Dans la première équipe, donc De si façon c'était pas grâce à méritée. toi, je pense que ouais, si c'est pas grâce à toi, ça n'allait pas arriver aussi parce que tu nous as appris beaucoup de choses et tout. Donc, j'ai beaucoup de mentors proches. Je ne veux pas parler de ceux que je connais pas. Il y a des gens que tu admires dans la façon d'être, dans le monde du football en général, comme par exemple Mourinho, que j'adore par sa façon d'être, par sa manière de titiller les gens, par sa manière de réveiller la rage qui est en un joueur en le taquinant un peu. J'aime ce genre de coach-là. Et, mais comme je dis, il y a Thomas avec qui je parle qui a été un de mes mentors. Il y a Sylvain avec qui j'ai beaucoup appris en tant que coach et humainement aussi. Il y a aussi au futsal André-Pierre Lorrain qui a été mon coach depuis maintenant 4 ans. Il m'a appris depuis 2016 jusqu'à maintenant. Il y a aussi Sini qui a été mon deuxième coach à la Cité Collégiale qui m'a beaucoup appris humainement. Et c'est tous ces noms-là qui ont. J'ai appris un peu d'eux dans les façons de faire, dans les manières de faire. Parce que même jusqu'à présent, je continue d'apprendre. Par exemple, il y a des séances d'entraînement au futsal que je prépare même plus. Parce que mes séances de joueurs, quand je pratique, la plupart du temps, je fais les mêmes séances avec mes joueurs. Donc, quand je vais à l'entraînement le mercredi, que mon coach a fait cette séance qui me plaît, le jeudi, quand j'arrive à la séance, je mets cette séance en marche et je la fais fonctionner comme je le avec mes variantes. Donc, j'ai ces personnes-là qui m'ont beaucoup aidé. Donc, j'ai cité quand même 5 et sans oublier aussi Max. Max, Maxime Achalier, qui a été l'un de mes premiers superviseurs à l'ASH. Mais non, au niveau du Canada, c'est quand même ces personnes-là que j'ai appris auprès de ces personnes-là, en les regardant. En les regardant, parce que je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, sans même demander, apprend, en regardant, en jouant. Et c'est un peu toutes ces personnes-là qui m'ont aidé à être un peu un entraîneur. C'est ces personnes-là qui, comme on dit, qui ont animé cette passion d'entraîneur aussi au moins. C'est un peu toutes ces personnes-là. En vivant les choses, c'est ça même, en jouant, Oui, en en vivant les vivant, ouais. choses. En vivant, c'est plus en vivant les choses parce que je suis une personne qui aime vivre les choses. Qui C'est vit, ouais, quand même c'est. en vivant que j'ai découvert cette passion-là. C'est en vivant, en étant, en voulant être à la place de l'entraîneur. Si j'étais à sa place, si j'étais à la place de Thomas, comment j'allais faire? Si j'étais à la place de Thomas, comment j'allais réaliser cette action-là? Si j'étais à la place de Thomas, comment allait être cette joie? De la manière que j'ai vu Thomas être en joie lorsque on a gagné cette demi-finale, lorsqu'il nous filmait, comment je vais être en joie lorsque mes joueurs vont gagner cette finale ou bien ce match? Comment vivre cette manière-là? Comment cette manière, comment dire, cette intelligence ou bien tout ce que Thomas a appris et qui m'a transmis, comment moi, à mon tour, je peux la transmettre? C'est tout ça là qui m'a poussé à être aujourd'hui un entraîneur. Et donc, c'est tous ces mentors-là que je remercie au passage, qui m'ont beaucoup aidé. Je te remercie, bien évidemment, et je remercie. Et tous de m'avoir encore montré l'un de mes talents. C'est un peu ça. Merci Kevin, c'est un honneur pour moi, c'est très très apprécié parce que c'est pas par hasard que j'ai décidé de te contacter pour avoir cet échange-là, même si on a régulièrement de nos nouvelles et on échange, on continue d'échanger très souvent. Même si tu ne le sais pas, humainement, moi j'ai beaucoup appris de toi et je continue de l'apprendre, je continue d'apprendre. Pour moi, même si tu n'as pas passé de diplôme encore, eh bien, je suis convaincu d'une chose, si je peux me permettre, c'est que les qualités que tu as en tant qu'homme, que tu n'auras pas forcément, que tu n'iras pas forcément chercher dans des formations qui vont permettre d'obtenir des diplômes, eh ben sont des qualités et des outils extrêmement, peut-être les plus importants. Qu'il faut qu'un entraîneur ait, et c'est uniquement mon point de vue, et que parfois il me manque, et je le sais, et qui fait que j'ai beaucoup appris de toi et que j'aimerais te voler, parce que moi je suis un entraîneur qui essaye de voler et qui essaye de m'inspirer, et que, bah, que c'est parfois, pour passer comme je te l'ai demandé, pour parfois passer une excellente saison au foot, il suffit pas que des résultats, et que parfois l'humain, que souvent l'humain est un outil, enfin, est un ingrédient largement suffisant pour que les joueurs et les parents et les entraîneurs se régalent, parce que avant tout, je retiendrai une chose, c'est que, et j'en suis convaincu, mais je suis content que tu me le partages, c'est que je pense qu'on apprend plus et davantage en s'amusant, et que le mot que tu as introduit, le mot que tu as introduit dans cet échange qui a commencé il y a plus de 2 heures, et ben c'est la passion, et c'est la passion qui me pousse à avoir cet échange avec toi, et c'est, je pense, la passion, c'est peut-être une chose que tu as déjà, enfin c'est une chose que tu as déjà, et qui est largement suffisant pour avoir pour te pousser à devenir un excellent pédagogue, un excellent entraîneur que tu seras dans les prochaines années. Et ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça venir de toi, et ça me fait énormément plaisir de savoir que j'ai des choses que je peux partager avec toi, que même tu veux voler, mais je sais que t'es pas un voleur, tu le prends, et c'est comme on le dit, on l'homme est là pour se compléter, on se partage des choses, et c'était vraiment un plaisir, un honneur pour moi de partager ce moment de passion ensemble, et vraiment tu sais que je suis toujours là et toujours disponible à discuter de foot avec toi, et surtout de toute la vie avec toi. Et c'est vraiment plaisir de partager. Parfait. Merci Kevin. Merci beaucoup pour ton temps. Je suppose que si vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train justement de vous dire, c'est que vous avez probablement pu apprécier l'épisode. En tout cas, je tiens évidemment à remercier Monsieur Kevin Lévry d'avoir partagé avec moi, d'avoir accepté de jouer le jeu, de partager même au plus grand nombre d'entre nous, d'entre vous, une modeste partie de son histoire. Si jamais vous avez des questions pour lui, n'hésitez surtout pas à le contacter. Ses coordonnées sont en description de l'épisode. Si jamais vous avez des remarques à faire concernant le podcast, n'hésitez surtout pas, footballagogie@gmail.com. Et si jamais vous souhaitez continuer l'aventure avec nous, eh bien je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, dans 2 semaines, le dimanche, comme souvent, où cette fois-ci nous resterons ou nous repartirons en Europe, et nous voyagerons à la frontière entre la France et la Suisse et la France. Voilà, je vous dis à très bientôt, et comme vous le savez, prenez soin de vous.